confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Vous êtes sur Indestar. Non, il va pas y avoir de site. Je suis ton père. Tu es mon père. Ouais, oh, c'est le seul truc que je connais de Star Wars, donc. Et moi, je ne suis pas ta mère. Non, mais toi, t'es le père de Kevin, par contre. Ouais. Ça va ? Alors, je peux le dire. Je oui. suis ton père. Effectivement. Mais il y a autre chose qu'on est. On est Indestar, surtout. J'avais oublié qu'on est une radio aussi. Mais oui, on est une radio, dis donc. C'est comme on avait oublié qu'on avait Jolan avec nous aussi. Oui, c'est vrai. On a oublié Jolan. Salut Jolan, tu es là ? Bonsoir, oui, je suis là, je suis parmi vous. Tu vas bien, Jolan ? Oui, très bien. Tu le vis bien d'être oublié ou ça ? Je t'avoue que je l'ai dans le coin de la gorge un peu, mais ça va. T'inquiète pas, on va te rétendre. Ça fait quoi d'être dans le trou de l'oubli ? Je suis désolé, c'est de ta faute parce que tu devais être là ce soir. Tu t'es pas manifesté ! Voilà, on ne te voit pas physiquement, moi, c'est comme si tu n'existais pas. Ah ouais, c'est un peu ça. Vous verrez ce que sur le Discord, parce qu'on communique via Discord, je vous ai mentionné, hein, je suis là. Mais t'es caché par les fils. Oui, j'ai bien compris, la force n'était pas avec toi pour venir. Hein. non, c'est exactement ça. Pas. En tout cas, la force va être très présente ce soir, hein, en théorie, vu qu'on fait une émission avec thème Star Wars. Vous l'aurez compris, vous avez entendu la marche impériale tout à l'heure. C'est vrai que même moi, je connaissais la marche impériale. Enfin, je savais pas comment ça s'appelait. Mais... Parce que tu connais pas Stargate ? Ni Stargate, non, ni Star Wars, ni Star. Par contre, Indestar. Indestar. Voilà. Il connaît Indestar. Voilà. Bah, si tu connais Indestar, tu sais où est-ce qu'on peut retrouver cette émission alors ? Eh ben, en podcast. Bah ouais, en podcast. Sur toutes les plateformes. Si vous avez, allez, imaginez, t'as quoi comme appli de podcast, Teddy ? Podcast addict. Par exemple, genre podcast addict. Et bah ouais. Et si Spotify pour Jolan, voilà. Deezer. Deezer, ça marche aussi. Voilà. Et ça marche même à 11h, Deezer. À toute heure. Non, mais c'est extraordinaire ça. À 10h comme à toute heure, vous pouvez écouter Indestar dès demain, cette émission qui sera donc disponible en podcast et directement sur le site Indestar. Et j'ai relevé la grande nouvelle, c'est que même s'il n'est pas 10h, vous pourrez l'écouter. Ouais. Et mieux encore, si vous nous écoutez en direct, vous pouvez même nous appeler si vous avez envie pour dire ta gueule Teddy par exemple. C'est tout à fait possible et envisageable. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Théo avant de l'émission. Il a dit ta gueule Théo, c'est je prends la place. Mais c'est justement ce soir, vous pourrez pas dire a priori ta gueule Théo parce qu'on va pas l'entendre. Je ne peux pas parler. Au cas où, si vous n'avez pas remarqué, Théo est à la régie parce que effectivement, vous ne voyez pas. Vous avez pas remarqué. Mais vous allez moins l'entendre, donc forcément, vous allez dire mais il y a un truc qui cloche. Oui, Star Wars, c'était moins l'entendre parce que non pas parce que je suis à la régie. Mais parce que j'ai pas vu Star Wars. Voilà. J'avoue. Mais je pensais. Non, tu pensais que j'étais le seul de l'univers à pas voir Star Wars. Bah ouais. Alors qu'en fait, j'en ai parlé autour de moi et il y a plein de gens qui n'ont pas vu Star Wars. Hein. Comme Jonathan. Bonjour, mais bonsoir, Jonathan. Vous avez loupé quelque chose, franchement. Si vous êtes fan de science-fiction, vous avez loupé un truc. Attends. Mais qu'est-ce qu'il loupe sa gueule ? Là, en studio, on a eu Antoine d'Actu Solide qui est passé tout à l'heure. Il a pas vu Star Wars. Antoine Jonathan, aussi. Jonathan, t'as pas vu Star Wars. J'avoue qu'on est très petit. Ah t'es oui, donc t'as pas, on va dire que t'as pas vu Star Wars. Si, il a vu quand même. C'est que depuis, on y a piqué les DVD. J'ai oublié un grand pourcentage. Ah, t'es enroué de la voix. On t'entend mal, mais. C'est assez marrant. Rassure-moi, Jonathan, est-ce que tu l'as vu, toi, la saga ? Toi, Kevin, par contre, toi, tu l'as forcément vu. Forcément. Épisodes, oui, mais quand j'étais très jeune. Oui, parce que la saga, mais au moins, t'as vu quelques épisodes. Ouais. Ouais. Kevin, toi, tu l'as vu. À mon avis, tu l'as poncé, le Star Wars, on est d'accord ? Tu es ce qu'on appelle un fan addict. Ouais, bah oui, plutôt même. Tu as vu combien de fois ? Le 1 au moins. Le 1, c'est-à-dire le 1. Le 1-3 ou le 1-1 ? C'est ça que tu es en train de me dire. C'était ça, c'était le 1 dans quel ordre ? La menace fantôme. Le 1-3. Ouais. Ouais, je trouve ça plus sympa. Donc l'épisode 3 ? Ouais. Quand il n'y a pas Yoda en carton. Alors celui-là, facilement une vingtaine, voire une trentaine de fois. Ah ouais ? C'est tout ? Ouais. C'est ouf, attends, 30 fois. Franchement, je suis pas sûr que ça se. Bah si. Non, je suis déçu. Attends, 30 fois une heure. En plus, c'est un long film, non ? Oui, plutôt. Bah, pour faire une comparaison. Bah, le 3, ça va encore, c'est pas le plus long des Star Wars, mais il y est quand même un peu. 4 heures. Pour te dire, ma soeur, elle est fan de Harry Potter. Alors, ça sera pas le sujet de ce soir. Alors, je préfère préciser. Non, mais c'est les mêmes. Mais elle les a achetés en DVD et ils marchent plus. Tellement elle les a regardés. D'accord. Alors pour qu'un DVD marche plus, c'est fort. Ou alors elle en a pas pris soin. Oui aussi, mais ça c'est un autre. Au bout de deux trucs, c'était cramé le bordel. Non, mais j'avoue que Kevin, il est pas au premier DVD. Hein. Oui, mais en même temps, il a regardé peut-être une trentaine de fois le 3, mais il a regardé sans doute une trentaine de fois les autres. Ah non, je pense que c'est le 3 le plus. Hein. Ah peut-être. Le 3, c'est le plus, oui. Ouais, mais faut regarder les autres. Non, parce que moi, je sais que c'est son préféré. Oui. C'est ton préféré. Ah d'accord. Et de très très loin. Bah, toi, Daniel, t'es aussi fan de Star Wars. Ah moi, ouais. C'est que c'est lequel ton préféré? Moi, comme beaucoup de vieux, je vais dire d'anciens, c'est le 4. Hein. Donc le premier qui a été tourné, qui est sorti en 76. Attends, il y a un truc que je comprends pas là déjà. Le 4, c'est le premier. Ouais. Oui, on vous expliquera. Alors, pour ça. Il y a un petit souci dans la chronologie. Oui. Mais finalement, qui est logique quand on connaît l'histoire de Star Wars. Bah, c'est pas faux. J'ai hâte c'est d'entendre pourquoi. Ouais. Ouais. Moi, je dirais que c'est. J'hésite. Je dirais que c'est même pas dans les films. Je dirais j'aime bien Clone Wars en vrai. Et j'avoue que je suis un gros fan de The Mandalorian aussi. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien aussi les 3. Alors attends, que je me plante pas. Bah, le 3, 4. Non. 4, 5, 6. C'est la première trilogie qui a été faite, oui. Ah bah alors non. J'aime bien quand il y a Obi-Wan et Luke. Quand ils rencontrent. Si, bah, c'est le 4. 4, 5, 6. Si ? Putain, je me plante à chaque fois. Il y a un moment où Yoda, c'est une poupée dans un des. Dans une des deux trilogies. Ne spoil pas, j'ai pas vu. C'est pas un spoil, hein. C'est juste qu'il y en a un, il est bien fait, et dans un autre, il est très mal fait. Yoda. Alors, mal fait, c'est 4, 5, 6. Bien fait, c'est 1, 2, 3. Ah bah voilà, j'aime bien le 1, 2, 3, du coup, je crois. J'arrive même pas à m'y retrouver, c'est dingue. Mais bon. Oui, mais là, c'est pas là quand. C'est compliqué, ouais. Hein. Bah ouais, faut être un gros fan. Remarque quelque part, si on veut être absolument perfectionniste, hein, le premier épisode où Obi-Wan rencontre Luke. C'est quand Luke il naît à la fin du 3. Oui. Ouais. Ah. C'est dans les dernières minutes. Tu vois qui c'est Luke? Non. Non. Bah, c'est moi non, je connais un mec qui s'appelle Luke, mais je suis pas sûr que c'est un rapport. Ah, ouais, ouais. on verra ça tout à l'heure. Bah, chanteur, écoute, hein. Dans ce cas, moi je te propose une chose pour que tu saches si c'est le bon ou pas. Tu lui demandes de sortir son sabre laser. Ah. S'il sait s'en servir. Ouais, c'est peut-être c'est le bon. Il y a peut-être. Ok, voilà. D'accord. Mais peut-être, hein, parce que t'as des copies, hein, des pâles copies. Hein. Attention. Mais c'est facile de différencier les deux trilogies. Il y en a un, c'est avec Luke, et l'autre, c'est avec Anakin. C'est ça. Bah oui, mais je suis con. Ouais, bah ça, on savait, il y a que toi qui étais pas au courant. Hein. Ouais, bah ouais. Faut que je me remémore tout ça. Voilà. Alors, on est un peu là pour ça, va. Voilà, exactement. Tout au long de la soirée, on va vous faire des petits rappels pour les non-initiés. Oh oui. Voilà. Il y aurait une histoire aussi, que ça. D'ailleurs, petite question piège, Jonathan. Le sabre de Mace Windu est de quelle couleur? Il est pourpre. Fallait pas le dire. Tu l'as aimé, c'est la triche. Oui, c'est ça, il est pourpre, il est violet. Il n'y a pas de pourpre. Mais j'ai quand même, lors d'un quiz, j'ai réussi à lui faire dire que c'était bleu. La rivière est pourpre. D'ailleurs, toi, Kevin, qui est en tant que spécialiste, tu peux peut-être expliquer la raison de ce violet. Justement, j'avais posé la question. Mais en fait, il est violet vu que c'est Samuel L. Jackson qui a demandé à voir un sabre laser. Oui, voilà, un caprice de star. Et ben, je le savais. Il a demandé à avoir un sabre d'une autre couleur pour être repéré à la fin de l'épisode 2. Ils sont tous bleus et lui, il voulait un bleu, vert, et on a Mace Windu au milieu qui est violet. Mais après, du coup, alors je sais pas qui, mais ils ont inventé toute une histoire par rapport au sabre violet. Au violet, oui. Ouais. Ils l'ont intégré en fait dans l'univers et c'est devenu presque normal au final. Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt cool en soi. Oui, bah oui. On va parler sabre laser, hein, parce qu'il y en a de toutes les couleurs, hein, dans l'univers étendu, notamment le blanc. Voilà, on verra ça plus tard. C'est le vierge. C'est celui qui est vierge, le sabre blanc. C'est celui d'Asoka Tano, c'est quand elle est ni Jedi ni Sith, je crois. Ouais, mais il y a des sabres non vierges. Il y a des sabres non vierges. Voilà. Cette couleur-là, il y en a qu'on servit. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, c'est ça que t'es. Un sabre laser au-dessus de ta tête. Non, mais qu'est-ce qui leur est arrivé au sabre non vierge du coup? Non, mais c'est une blague, hein, en fait. Oui, hein. Techniquement, c'était une blague. Non, mais j'ai compris. Bah bon. Et si on écoutait un peu de musique avant de continuer? Oui, et on continuera par quoi? Parce que je vois que j'ai des feuilles, moi, sous la... Eh ben, ouais, on va continuer. Ça va être toi, Daniel, qui va nous raconter une petite histoire avec nous, on va dire un peu en improvisation. Oui. On va improviser une histoire. Oui, alors, y a une histoire que j'ai écrite, que j'ai créée. Et on va improviser les scènes dessus par rapport à cette histoire. Et bien sûr, c'est des personnages de Star Wars. Ah, ce sont les vrais, oui. Ah, c'est beau. Ah. Et ben, ce qui est beau aussi, c'est le titre Aïe. Repris par Amy Gaba et à l'origine de Miley Cyrus. Oh, putain, oui, exactement, Cyrus. Sur son dernier album, The Plastic Hate, c'est sur Indestar. Ouais. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. 23 heures d'émission spéciale Star Wars. Alors c'est non, beau. Pas 23 heures d'émission. Non. Ah non, c'est vrai. Mais jusqu'à 23. Non, non, ne fais pas ça sur Star Wars, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Ah bon, bon. Non, mais après tu sauras presque tout. Hein. Oui, on s'arrêtera. On s'arrêtera vers minuit à peu près. D'accord. Il y a de grandes chances. Donc émission spéciale Star Wars ce soir. Et comme on en a parlé avant, Gaba. j'ai cherché son nom. Daniel, tu. Tout au long de l'émission, on va faire un peu d'improvisation. Et là, tu vas nous pitcher un peu le début du scénario. Voilà. C'est ça ? C'est exact. Alors, je commence ? Peut-être qu'on pourrait présenter les personnages avant. Qui joue quoi ? Non, mais je vais d'abord présenter le lieu, ce qu'il y a, et après, je présenterai les personnages. Okay. Voilà. Ouais, ça peut le faire. Alors, l'action commence pas sur, je vais dire, la planète principale, sur Coruscant. Ouais. Alors que le Haut Conseil de Jedi vient de se terminer. Mmh. Yoda ressent de violentes secousses, de violents à coups qui perturbent aléatoirement la force. Alors Yoda, tout le monde sait que c'est le Jedi qui a la petite créature monde, verte. Tous les gens qui connaissent Star Wars, pardon, savent que c'est le Jedi d'expérience. Donc malgré sa grande expérience, il n'a jamais ressenti ce genre de perturbation. Alors que fait Yoda ? Il se rend à la médiathèque du temple Jedi. Pensant que ce phénomène peut y être répertorié. Oui, parce qu'il va rendre un bouquin qu'il a emprunté la semaine dernière. Donc En même temps, il va le faire, oui. Voilà. Mais comme c'est Yoda, il lit très vite. Et en fait, c'est pas qu'un bouquin, c'est 50 qu'il a lu dans la semaine. D'accord. Alors, donc parmi les personnages, il y en a, je vais pas tous les dire. Surtout le dernier, parce qu'autrement, ça va donner... Ça pitch. Ça va donner un peu la puce à l'oreille à tout le monde et j'ai pas envie. Donc il y a un personnage que je vais pas donner. Ouais, toi par exemple. Il y en a même deux d'ailleurs. Toi tu seras le maître du jeu. Moi je serai le maître du jeu et à la fin je ferai aussi un personnage. D'accord. Ah. Kevin il jouera quel rôle ? Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, ok. Ouais. Jonathan il jouera quel rôle ? Non mais c'est normal quand on connaît ah, le. Ah oui, non mais forcément. Le nom est chelou, ouais, tu feras Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Missa. Alors, faut t'entraîner. Ouais. Missa. Alors, Missa et Jar Jar Binks. Hein, faut t'entraîner. C'est dur. Ok. Il y en a un autre aussi. Missa, comme pas, pas content. Enfin, il parle comme ça un peu. Vraiment. C'est toi qui a fait dans le film. C'est peut-être moi qui ai fait dans le film. Ah donc, tu penses qu'il s'appelle Missa en fait. Et t'es dit, non, alors... mais il dit Missa pour parler de lui, pour parler de beaucoup de choses. Ouais. C'est un peu comme les Schtroumpfs, tu vois. Ils mettent Schtroumpf partout. Bah là, Missa, il met Missa partout aussi. Voilà, c'est vrai. Moi, je vais jouer Padmé. Padmé Amidala. Voilà, ouais. Donc, qui interviendra pas tout à fait. Ça, là. Ah, c'est exact. Padmé, je tire des flingues. Non, c'est pas ça. Ouais, on va. Et alors, on a confié le rôle principal à quelqu'un qui connaît quasiment pas. Mais quasiment la saga. Pas du tout, du tout, du tout. Non, je voulais dire Yoda, quasiment je pas. Yoda, je joue. Ah, oui. Mais toi, il connaît déjà le rôle. Plus posé la voix. J'ai marqué, en gros, je parle à l'envers. Donc ça, ok, j'ai compris. Par contre, quelle voix j'ai ? Une voix très posée. Yoda, je joue. Ah ! Yoda, je joue. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et tu prends aussi un peu le temps de parler parce que Yoda réfléchit à toutes ses paroles. Toutes ses paroles sont mesurées, pesées, évaluées. Il dit jamais de conneries, sauf les traducteurs éventuellement, mais... Ah, j'ai pas le droit de faire de blagues. Mais si, on est sur une des stars, t'as le droit. Non mais ok, le mec posé, le sage en fait du village quoi. Oui. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Voilà. C'est le Yoda Wish. J'ai compris l'idée. Alors, c'était dit. Donc là, vous allez avoir le temps de penser un petit peu à vos personnages. On en a oublié un. Un aussi, un trait principal, Jolan. Jolan, il va jouer. Ah oui, c'est vrai. Tu joues quoi, Jolan ? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Kenobi ouais. Voilà. C'est qui le Obi-Wan Kenobi ? Obi-Wan, c'est aussi un sage comme toi. Un sage, mais un peu moins sage. Un peu moins sage. Voilà. Ouais. T'as pas fait tes devoirs. il est plus dans l'action. D'accord. Okay. Voilà. Ah, moi je fais rien. Je suis là sur mon grand fauteuil. Mais toi, tu sais pas de quand il faut. Ouais, ouais. Hein, tu sais tournoyer en l'air en même temps que l'épée. C'est exceptionnel. Techniquement, t'es plus fort qu'Obi-Wan Kenobi, je crois. Oui. Ah, je suis plus fort que toi. Ouais. En combat, c'est le Jedi le plus fort de l'ordre tel qu'on connaît. Et ça me va bien. C'est tout moi. Dans la vraie vie. Ok, est-ce qu'on commence maintenant ou est-ce qu'on... Non. Comme il y a 3 épisodes et qu'on a suffisamment de bêtises à raconter, D'accord. Je pense que là, on a présenté, on a mis l'eau à la bouche de nos auditeurs. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de commencer à narrer. Non, j'ai pas envie. Voilà. Non, bah non. Du coup, je préfère laisser la main à mon fils. Donc Kevin, ouais. tu vas nous parler, toi, des créatures dangereuses dans Star Wars qui sont innombrables. Oui, plutôt. Ouais, clairement. Oui, il y en a plutôt pas mal. Et il y en a des plus dangereuses que d'autres. Oui. Les Yoda, déjà. Oh, il y a un verger. Il y a aussi une espèce de verger. Non, lui, ça dépend. Bah, ils sont pas dangereux, ils sont... Enfin, comment dire, ils sont pas méchants. Qui. Oui, voilà. Ça dépend pour qui ils sont dangereux. Techniquement. Donc, oui. Donc, quelle créature nous présentes-tu en premier? Je vais commencer à parler des Tukata. Tukata. Qui habitent à Korriban, donc la planète d'origine des seigneurs Sith. Ouais. Mais ce sont des... En gros, pour dire l'apparence, ça ressemble à des chiens. Sauf que ce sont des chiens qui ont des cornes et qui maîtrisent également ils le sont, pouvoir. Ils sont cocus avec des cornes. Je sais pas, j'ai jamais été leur demander. Si tu veux, je te laisse y aller. Ah, mais d'après ce que tu m'as décrit avant l'émission, j'ai pas envie d'y aller. Non, moi non plus. Non, c'est vrai que la planète des Sith n'est pas très accueillante techniquement. C'est pas ouf. C'est pas le meilleur lieu de vacances, tu vois. Ouais, le Club Med te dit d'y aller, tu y vas pas. Non, c'est pas la grande destination. Ouais. De toute façon, c'est une destination virtuelle pour le Club Med. Hein. Ouais. Oui, ouais. Certes. Tu payes ton voyage virtuel, hein, 3000 euros, tu vas sur la planète et tu virtuellement. Te fais bouffer par des chiens démoniaques avec le poids. Alors là, je sais pas si c'est virtuellement ou pas, hein, mais oui, tu te fais bouffer, oui. Il y a des chances que ce soit efficace. En fait, ils peuvent te démembrer avant même de te mordre avec la force. Et là, le Club Med gagne des sous parce qu'ils ont pas à payer ton voyage de retour. Effectivement. Non. Puis l'assurance leur reverse. C'est... Non, bah... c'est un aller simple là. Première créature dangereuse. Donc en gros, pour continuer dessus, c'est une espèce qui est très intelligente et qui a permis également de comprendre et d'apprendre le langage des Sith. D'accord. Et les Jedi n'ont pas le droit de les attaquer. Oui. Ah d'accord. Donc, ils attends. Ils peuvent communiquer avec les seigneurs Sith, vu que les Sith ont un langage. Bah, c'est stylé ça, ouais. Donc en deuxième créature, j'en ai pris une qu'on voit dans les films, notamment dans le film 6, le Sarlacc. Le Sarlacc. C'est pas le Sarlacc en Dordogne. Hein. Alors attends, dans le 6, donc le 6 c'est le pensionnat de Sarlacc. Le 6 c'est avec Luc. C'est avec Luc, ouais. C'est exact. Ils étaient au pensionnat de Sarlacc ou pas? Je sais pas. Ah, ah oui, il n'y a pas le pensionnat de Sarlacc apparemment dans Star Wars. J'arrive pas à voir ce que c'est. Donc c'est la créature attends, dans laquelle dire. Boba Fett tombe. Ah oui, le gros, un ver des sables en gros. C'est ça. Ouais. Et cette créature-là est plutôt dangereuse vu qu'il y en a 3 dans l'univers de Star Wars. Seulement 3? Oui. Oh, c'est pas bon. Bah, en gros, 3 de connus. Ouais. Après, il y en a peut-être plus. Oui, donc... ça se reproduit, c'est la créature. Ouais, voilà. Ouais, après, il y en a, ils ne sont pas présentés, ils sont inconnus. Ouais. Hein. Non, bon. Tu sais, c'est comme les inconnus, ils étaient 3. Et bah là, c'est pareil. Ouais. Mais sauf qu'ils sont connus. Mais là, je te laisse te présenter tout seul. Hein. On bah, décidément, ils nous présentent les créatures. On veut les connaître. Oh, tu y vas tout seul. Non, hein, non, là, ouais. On les revoit pas dans la série Clone Wars? Alors, je crois. C'est pas des Clone Wars, c'est pas des Sarlacc, ce sont leurs lointains cousins. D'autres vers des sables. Voilà. Techniquement, d'autres vers des sables. Voilà. Donc, il y en a 3 dans l'univers. Donc, celui-là sur Tatooine qu'on voit. Ouais. Celui-là sur Dathomir. Ouais. Qui est plus petit, mais beaucoup plus dangereux. Et il y a celui-là sur Felucia qu'on voit dans Le Pouvoir de la Force 1, je crois, si je ne me trompe pas. Qu'on voit. T'as dit qu'il s'appelait comment? J'ai pas entendu. De quoi? Il s'appelle comment ces créatures? J'ai pas entendu. Les Sarlacc. Mais les Sarlacc, d'accord. Il doit y en avoir plus que 3 dans l'univers pour qu'ils puissent se reproduire, il en faut quand même. Non, mais il a dit 3 de connus. Hein. 3 de connus, oui. Ah, d'accord. Et donc, celui-là sur Felucia a plusieurs particularités. C'est le plus grand des 3. Ouais. Mais c'est également un Sarlacc qui peut être contrôlé par la Force. Ok. Donc, Shakti pouvait le contrôler notamment. Le maître Jedi Shakti. Attends, Shakti. Ah, c'est pas. C'est dans quoi qu'on le voit, lui? Shakti, on le voit dans les films. Mais on le voit beaucoup plus dans Le Pouvoir de la Force, ou même dans Clone Wars, on l'aperçoit à un moment. Il meurt. Ils meurent tous, de toute façon. Lui, il meurt, il meurt après l'Ordre 66. Ouais. Ce Jedi. Ah, le fameux Ordre 66. On l'expliquera plus tard, parce que... il est très sympa, cet ordre. Ne pas confondre l'Ordre 66 avec la Route 66, hein. C'est pas faux. Hein, c'est pas la même planète. C'est compliqué, ouais. Là, si tu confonds les deux. Ouais. Et donc, après, donc, j'ai choisi le Rancor. Le Rancor. Oui. Encore. Encore, oui. Stop ou encore. Qu'on voit également dans l'épisode 6. Quand Jabba décide de mettre Luke dans la cage, qu'il fait tomber. Après, il y a une créature qui vient et ça, c'est un Rancor. D'accord. Donc... Ouais, pas cool. Non, pas cool. Mais le ouais, c'est problème... vrai, elle veut le bouffer. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres Rancors. Il y a d'autres espèces. Il y a le Rancor. Bah, il y a encore et encore, hein. Donc il y a le Rancor. Mais c'est que le début, d'accord. Oh, mais non. Et donc, il y a le rancor taureau qui est plus dangereux et beaucoup plus agressif que le rancor normal. Laisse-moi deviner, il a des cornes ? Oui, entre autres. Mais c'est le cousin des chiens de tout à l'heure, des Tocata, là. Non, les Tocata sont plus méchants. Non, parce qu'ils ont des cornes tous les deux. Ouais, mais ils sont plus méchants. Ils ont pas le pouvoir de la force du côté obscur. Non, ils ont pas. Ouais. Ah. Et encore, ils ressemblent à quoi au niveau de l'apparence ? Alors, encore. À un monstre. Ils ressemblent. ils sont sur deux pattes. Et ouais. Ce sont des bêtes qui ont des crocs. Et okay. Qui ont de longs bras avec de longues griffes au bout. D'accord. Un genre d'allosaure version modifiée. Voilà, c'est ouais, ça. Tu vois, l'allosaure, évidemment. L'allosaure, il a des très petits bras. Enfin. Oui, c'est vrai que les dinosaures sont pas très connus pour avoir des longs bras. Mais il a des grandes griffes. Alors moi, le halo, je connais, mais l'allosaure... Et le problème de ce rancor-là, c'est qu'il attaque également les autres rancors. Ce qui, ça, souvent dans l'univers Star Wars, ça, les créatures ne s'attaquent pas entre elles. Le térésinosaure a des grandes griffes. Le Thérésinosaure, alors on fait des dinos, on fait ça. ça marche aussi. Oui, bien mais plus que l'allosaure. Non, mais le rancor aussi, il marche. Hein. Est-ce qu'il y a des dinos dans Star Wars ? Oh, c'est possible, on peut dire ça. Bah, ça peut être inspiré, comme là, ça peut être inspiré, oui. Comme là, ça peut y avoir été. Les créatures qui montent dessus, notamment le peuple de Jar Jar, ils montent sur des genres de créatures bizarres, là, à deux pattes. Mais, sauf que ça, c'est pas des rancors et c'est non. Pas... Non, c'est non. Pas dangereux non plus, c'est non, du bétail. C'est beaucoup moins dangereux, oui. Le seul risque que tu peux avoir, c'est de te faire écraser, à la limite. Mais y a pas un personnage qui a une tête de dinosaure, là, les Jar Jar, je crois. Ils ont une tête d'amphibien, ils ont une tête ça, de crapaud. Une espèce, ils vivent sous l'eau. Ouais, les Gungans, mais c'est vrai. C'est des Gungans. Ils vivent sous l'eau, hein. C'est une espèce de Naboo. De quoi ? C'est une espèce qui vit sur la planète Naboo. Ok, mais y a aussi Zidina qui a une forme un peu humanoïde avec une tête un peu de dinosaure, là. Je sais plus qui c'est. Un peu beige ou marron. Dans l'épisode 2, non ? Je sais plus, je crois qu'ils sont un peu des gardes, ils sont... C'est des gardes Oula, mais serait-on collé ? Il nous a mis un doute. Attends. Peut-être qu'il se trompe, hein. Mais il y a peut-être dans les chevaliers Jedi aussi, il y a beaucoup de Jedi, enfin d'aliens, en oui. Fait, d'extraterrestres. Ouais, déjà qu'il y en a un qui a 36 cerveaux, là, quand on voit la taille de la tête. Hein. Je me rappelle, dans Clone Wars, il y en a un qui a 4 bras, qui devient méchant d'ailleurs, mais... Oui. Je sais plus son nom, Il envoie ses unités au sacrifice comme ça tranquille. Ce qui fait qu'il s'attire la colère de ses clones en plus. Oui, bah oui, potentiellement parce que on n'aime pas mourir. Enfin, les clones n'aiment pas mourir. Bon, ils sont peut-être un peu cons, mais ils aiment pas quand même. Hein. Ouais, ils aiment parce pas que c'est vrai, quand on regarde le film, c'est vrai, on a l'impression que les clones ils sont un peu cons, un peu cucu. Mais... Ah, mais totalement. Mais ouais. Ah, dans les films, ils sont totalement cons. Ouais. Après, lequel est le plus con ? Les clones ou les Stormtroopers ? Les Stormtroopers. Mais. Ah. C'est pas faux. C'est pas faux, oui. C'est pas faux. Ouais, peux-tu rappeler pour les gens comme Théo, quelle est la différence entre un clone et un Stormtrooper ? Alors, un clone est créé à partir de l'ADN de Jango Fett, alors que les Stormtroopers, ce sont des vrais humains. Ouais, ok. Un clone, on est d'accord, c'est un clone. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Ouais. Il porte bien son nom. Ouais, donc ils sont tous pareils. Ouais. C'est ça. Et ils ont 5 ans quand ils sont adultes. Ah ouais. Ouais, à peu près. Enfin, ils grandissent très vite. Ah bah quand il meurt sur le champ de bataille genre. Ah oui d'accord, ils n'ont pas une espérance de vie très longue de J'en ai pas connu beaucoup qui vieillissent qui meurent de vieillesse. Ils ont mis pas à part Rex. Ouais. C'est le seul. Mis à part Rex. Alors oui, alors effectivement Jonathan est en train de me montrer une photo d'un espèce de dinosaure. C'est un Gungan, c'est Jar Jar Binks, c'est ton personnage. Ça c'est un Gungan. Ouais. Oui. Donc tu te rappelles de ton personnage, c'est parfait. Ouais, c'est une tête de dinosaure quand même, ils sont. Oui, c'est vrai, il a un petit peu un genre de petit bec, des grandes oreilles. Voilà. Donc oui, c'est Jar Jar Binks. Missa maladroit. Quatrième. Oui. Quatrième créature dangereuse. Le Gorog. Le Gorog, ça me dit quelque chose. Alors je confonds avec le Gorog également. Ouais. Et lui, il a deux cœurs. Oh, ça peut être pratique. Ouais, oui. Carrément, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah ouais. Un arrêt cardiaque. C'est bien. T'as pas besoin de défibrillateur. T'as le cœur, l'autre qui prend le relais. Cœur de secours. Ouais, le cœur de. Comme la voiture, t'as la roue de secours. Là, t'as le. Ouais, je pense à un groupe électrogène, moi, quand il. C'est dans le même esprit, on est d'accord. Après, ça dépend si l'autre est fait pour prendre le relais ou alors s'ils sont faits pour fonctionner en même temps. C'est pas faux. S'ils ont la même expérience de vie, il peut prendre le relais. Il peut prendre le relais. Oui. Et le problème, c'est quand il y en a un qui est affaibli, comme là, ça a été le cas dans le jeu. En gros, la créature est tombée, il a eu un cœur en moins, et Boba Fett est arrivé pour le finir après, pour tuer le deuxième cœur. Boba Fett, qui est un chasseur de primes, c'est ça ? Ouais. Il est un clone. Et tu te rends compte, c'est pas le bonhomme que tu tues, c'est les cœurs. Attends, non. Boba Fett, c'est un clone ? Oui. Ah non, c'est Jango Fett le vrai, c'est ça? Jango Fett est le vrai Mandalorien, et après Boba était récupéré. C'est ça, c'est... Ouais. C'est le faux. Je confonds. Hein. Je crois que c'était un rappeur, moi, Boba. Ouais, Boba, c'est aussi un rappeur. Hein. Je sais plus dans quel... Et Boba fait la fête. Obi-Wan Kenobi suit... Jango. Le chasseur de primes. Il suit Jango dans l'épisode 2. Ouais. C'est son fils, Boba, non? Non, c'est un clone. C'est un clone qui récupère. Ouais, mais qui est tout petit quand on le voit, et il l'élève comme son fils, c'est ça? Ouais, il l'élève comme son fils. Bah, il l'adopte, oui. Et un clone qui grandit pas vite. Lui, grandit taille normale. Lui, c'est un peu plus lent. Ouais. Mais qu'il a demandé à un clone qui n'était pas... Bon, alors, c'est bizarre de dire ça, mais un clone fait à partir de son ADN, mais pas génétiquement modifié. Oui. Qui n'obéira pas à l'ordre 66, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc un clone. Alors, finalement... Un clone, mais différent des autres clones. Un clone, mais pas un clone. Bah non, un clone, c'est ton ADN. Donc, oui, mais c'est un clone, si tu préfères, mais il est pas paramétré comme les autres. Non, voilà, les autres, ils sont modifiés pour grandir vite et pour être soldat et pour obéir à certains ordres pré-enregistrés, on va dire. Non, c'est quand même extraordinaire, on a commencé par... C'est les autres qui sont pas des clones. Et lui, c'est un clone. C'est tous des clones. C'est tous des clones. C'est un clone, c'est des clones. Si, il est plus original, effectivement, que les autres. Si, parce que c'est un clone pur et il a pas été modifié. Non, mais à la base, ce sont des clones. Sauf qu'après, les autres clones, on les modifie après. Ils ont été tunés, voilà. Ah, voilà, quand on parle voiture, il y en a un, il comprend tout. Hein. Ah, c'est l'émission Peep My Star clone. Wars. Peep My Clone. Ils sont modifiés après naissance, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Donc, le Grog qui a deux cœurs, on le retrouve où, lui? Dans la Cité des Nuages. Dans l'arène de la Cité des Nuages. C'est dans quel film? C'est pas dans un film, ça. Si on l'aperçoit, si je me trompe pas, c'est dans le 5. Si je me trompe pas, je dis bien. Mais on voit plus dans le pouvoir de la force. Vraiment. La Cité des Nuages, c'est avec Lando Calrissian, c'est ça? C'est avec Lando. Ah oui, ouais. Je vois. Ouais. Je vois la Cité des Nuages, par contre, je vois pas de monstre. Mais c'est pas grave. C'est dans une arène qui est très à l'écart, qu'ils ont mis un peu pour protéger. Puis... Bah, il était tellement dangereux, ils ont viré l'arène. Comme t'as ça, si le Gorog s'échappait, le Gorog tombait dans le vide. Non, parce qu'en fait, ils ont eu peur qu'ils bouffent Luke et Leia, c'est pour ça. Ouais. Bon, attends. Ouais. Ok. Hein? Une cinquième petite créature? Le dragon de Krayt, qui habite à Tatooine. Ça me parle bizarrement. Et notamment, là, pour tous ceux qui ont vu l'épisode 4, au tout début de l'épisode 4, on voit un squelette de créature. C'est lui? Ouais. C'est le grand dragon de Krayt. C'est l'espèce un peu plus grande. Il est mort? Enfin, du coup, il y en avait qu'un seul et il est mort? Ou... Non, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres? Il y en a plusieurs, oui. Pas de bol. Ça dépend pour eux ou pour nous. C'est... Et dangereux? Plutôt. C'est l'espèce la plus dangereuse de Tatooine, devant notamment le Sarlacc. Ouais. Et le problème de cette créature-là, c'est que les Hommes des Sables les vénèrent. Mais les pour vénèrent voir... Ah non, pardon. Les vénèrent. Et eux, c'était pas drôle. Mais le problème, c'est que pour devenir un homme, faut aller en affronter un. Du coup, ils viennent jamais des hommes. Si, souvent ils prennent la fuite. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Voilà. Tu vas juste le voir et c'est bon. Après, non, mais je crois que soit ils prennent la fuite, soit qu'on les revoit pas. Ah, oui, clairement, c'est ça. Mais d'ailleurs, on les revoit pas dans un Mandalorian. Des dragons? Non, attends. Si, c'est ça, je crois. Le dragon, ils vont en affronter un? Si, je crois bien qu'ils vont en voir un. Ouais, ils vont même l'affronter, même. Oui. Ils vont le faire exploser, je crois, de l'intérieur. Le grand spoil de Krayt, il a une tête légèrement requin et s'est inspiré d'une légende anglaise. Ouais, parce qu'il peut être sous le sable lui aussi. Oui. Le grand dragon, peut être sous le sable. Justement, c'est la technique de chasse du grand dragon de Krayt. Ouais, il va sous le sable et après il attaque dès qu'il est à portée. C'est un requin de sable. C'est inspiré, d'une légende anglaise. Ouais. Notamment, le nom a inspiré un seigneur Sith, Dark Krayt. Ah, c'est beau. Il a une tête de requin. Non, je sais pas. Non, il a une tête relativement bizarre. Avec plein de parasites sur la tête. Est-ce qu'ils ont pas des têtes relativement bizarres, un peu tous dans Star Wars? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mon personnage Yoda, là, j'ai déjà vu, il a pas une tête normale. Hein, ouais, mais il est mignon, Yoda. Il est mignon. Les Sith et les Jedi n'ont pas tous des têtes bizarres. D'accord. Okay. Obi-Wan, Anakin, Padmé n'ont pas de tête bizarre. Et ouais. Pour les Sith, on va dire Palpatine avant l'épisode 3 quand il affronte Windu a une tête normale. Il a pris pas mal de drogue entre temps. Hein. on a Dark Maul aussi qui a une tête pas mal. Ah ouais, mais Dark Maul c'est un extraterrestre. Il est classe, mais c'est un Zabrak, donc c'est une autre catégorie. Esclave. C'est un esclave. Ouais. Esclave. Ouais. On en parlera ça tout à l'heure, je pense. Oui, je pense. Il y a possibilité qu'on en reparle. Oui, il y a des chances, oui. Que d'un seul coup là, vous entendez. As-tu d'autres créatures ou 5, c'est déjà pas mal? J'en ai une autre, c'est la bête de Zillow. La bête voit notamment dans The Clone Wars. Alors ça, je connais, j'en suis sûr. J'ai entendu le nom, mais je sais plus dans quoi. Ma mémoire fait tellement faillite. Dans The Clone Wars, t'as dû entendre, et en gros, c'est une grande bestiole. Ouais. Qui est... Donc ça, qui a été réveillée, vu qu'il en restait qu'une seule, qui a été réveillée pendant la bataille de Malastar par la République. Donc, l'erreur. C'est le con quand même, les gentils qui réveillent une créature. Et ils étaient en affrontement avec les droïdes, et ils ont lâché une bombe et ça l'a réveillé. Sauf que le problème, c'est qu'elle a quasiment détruit Coruscant. Bon, c'est fait. Même dû obliger Yoda à intervenir. Pour un peu trouver des plans, tout ça. Et pour réfléchir. Il l'a calmé, Yoda? Non, c'est pas Yoda qui l'a calmé. Ils ont dû faire des mélanges de substances un peu bizarres. Oui, ils l'ont pas tué. Ils l'ont endormi. Oui, ça y est, m'en rappelle. Vu que ça a une carapace très épaisse. Ouais. Et même les sabres laser, qui sont réputés comme tranchant tout et n'importe quoi, ne peuvent pas passer la carapace. Ils ont tenté de l'enfermer, je crois. Oui, ils ont tenté également, ça n'a pas réussi. Non. Et il a un bras dans le dos aussi. Un bras dans le dos? Oui, il a un bras en plus. Oui. Je sais plus. Bah alors, il a 4 pattes. Ça dépend ce que tu veux en faire. Ouais. Te gratter le dos, par exemple. Oui, je pense un peu plus bas, moi. Ah oui, c'est ça. Le bas du dos, alors, il pensait. Exactement. Mais vraiment le très bas du dos, hein. Ouais, tu te grattes ce que tu veux, hein. Ouais. Après, c'est toi que ça regarde. Oui, c'est clair. Tu te grattes là où ça te gratte, hein, voilà, clairement. Voilà. Le bas du dos. Ouais, sacrée créature celle-là, hein, quand même. C'est peut-être la plus dangereuse du lot, non? Non, c'est pas la plus dangereuse du lot. Tu dirais pas la plus dangereuse? Ça serait laquelle, toi, la plus dangereuse? Alors, les chiens obscurs? Pour moi, ce serait les Tukata, si on va sur Corriban. Ouais. Mais bon, pour ça, vu qu'ils protègent les tombes aussi, faut être un peu fou pour y aller. C'est pas fou. Mais pour moi, ce serait eux ou le Dragon de Krayt. Après, Dragon de Krayt, c'est ce que t'as dit, il reste. Ils ont réussi à le battre. Les Mandaloriens plus un petit groupe. Ils ont réussi à le défoncer lui, quand même. Intouchable. Oui. Lui, ils ont pas réussi à le battre. Donc pour moi, ça sent quand même plus compliqué un truc que tu peux pas toucher avec ton sabre laser qu'un truc. Mais t'es pas obligé d'avoir un sabre laser. Voilà. Parce qu'avec les Jedi, ils ont des sabres laser. Parce que par exemple, le Dragon de Krayt, ils l'ont battu, mais ils avaient pas de sabre. Si je me trompe pas. Les hommes des sabres, ils ont des pics blaster un peu. Ils ont des pics blaster et puis The Mandalorian, il a un fusil snipe un peu. Enfin, on va dire à peu près. Si un truc qui est censé tout couper n'arrive pas à le couper, Tu balances des bombes dans la gueule. Le problème de Zilo, ça marche souvent. T'envoies les B-52 et tu balances les bombes. Donc, quand elle se met en, je vais dire en hibernation, même si c'est pas ça, là elle te fera rien, la bête. Ouais. Alors que le dragon de Krayt, il dort pas, il y a pas d'hibernation. Il y a pas d'hibernation. Il est sur une planète désertique, qui est déjà aride et qui est déjà dur à vivre en vrai. Oui. Plus toutes ces créatures, les vers des sables, j'ai oublié leur nom, et le dragon de Krayt. Ouais, mais ça participe au charme, on va dire. Une créature dangereuse, c'est pas quand elle est en période d'hibernation qu'on compare, c'est quand elle est pas. C'est pas faux. En termes de taille aussi, je crois que le dragon est plus grand. Le dragon est plus grand. Le dragon est le grand dragon Krayt est légèrement plus grand. D'accord. Sachant qu'en plus, il peut vivre jusqu'à, en moyenne, on va dire, ils vivent jusqu'à 100 ans, mais ils grandissent tout au long de leur vie. Et la force de ce dragon à côté de la bête de Zilo, la bête de Zilo avec l'âge peut un peu descendre en niveau. Alors que le dragon, ce n'est pas le cas. D'accord. Ouais, donc effectivement, il y a du niveau un peu partout. Hein. Je voulais juste répondre à Jonathan qui comprenait pas pourquoi Teddy parlait des monstres en hibernation. C'est qu'en fait, Teddy, il a chez lui, il m'a montré, il a une galerie de photos. Et il les prend en photo lorsqu'ils hibernent les monstres. Alors, et comme ça, il dit voilà, j'ai vu les monstres de Star Wars. Je suis sûr qu'ils sont mignons. En plus. Techniquement, j'ai des photos de monstres qui dorment. Parce que je joue à un jeu qui s'appelle Monster Hunter. Et dans Monster Hunter World. De ton fils. Non, même pas. Parce que techniquement, il est pas monstre. Il est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Ce qui est pratique. Mais non, mais dans Monster Hunter World, t'as des petites missions des fois et prends des monstres en photo qui dorment. Ouais, ça le fait aussi, hein, tu peux. Donc bon, c'est pas impossible. Dans tous les cas, j'adore ce petit top de créatures dangereuses. Et je suis pas le seul à adorer parce que Rémi Dorage a créé une musique qui s'appelle Je t'adore. Donc on va écouter ça, c'est sur Indestar, dans cette émission spéciale Star Wars. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Je dirais même émission à la maison spéciale Star Wars. Pour finir cette année en beauté, bien sûr, il y aura des émissions tout au long des vacances, à peu près. On va essayer d'être régulier, on va essayer une par semaine à peu près. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Il y aura plein de surprises cet été. Il y aura des surprises. Il y aura, je sais pas, on verra, c'est des surprises donc on le dit pas. Bah c'est surtout qu'on le sait pas encore. Bah oui, c'est vrai. De toute façon, oui, même pour nous, ce sont des surprises. C'est ça, c'est des surprises pour tout le monde. On va être étonné de les faire, ces émissions, c'est fou. Je sens qu'on va être étonné aussi par l'histoire, par la tournure de l'histoire que Daniel va nous faire. Oui, ça c'est une certitude, ça. Et puis on va voyager beaucoup, mais comme c'est une autre histoire, on le verra un peu plus tard. On le verra un peu plus tard. Voilà. Alors, pour le moment, tout ça va à l'heure, on recommencera tout à l'heure, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et y a un truc... Je me suis fait comprendre, c'est bon. Oui, mais sans problème. J'étais pas sûr. Si, tu t'es fait comprendre. Il y a un truc que Jolan a visité quand il était plus jeune, donc ça remonte à... T'as été jeune ? Ouais, Jolan, t'as été jeune, hein. On est d'accord. Oui, j'avais 16 ans. Ouais, bon, t'étais jeune. Tu as visité un musée un peu... Enfin, pas insolite, mais un musée que beaucoup de gens... Concrètement, à l'édifice de Star Wars, quand même, bah ouais, la saga... Beaucoup de gens auraient aimé y aller. J'en étais sûr que ça allait parler de Star Wars. Bah ouais, non, mais c'est sûr, c'était pas le musée du Louvre. C'est tellement bien fait. C'était pas le musée des insectes. Non. Même s'il y a des insectes dans Star Wars, c'était pas... Certes. Il y a peut-être une chambre pour les insectes de Star Wars. C'est possible. Il va nous le dire. Bon, là, en ce moment, d'aller visiter des choses, c'est un peu compliqué avec la crise. Ouais, faut peut-être le pass sanitaire pour y aller, là, actuellement. Mais, quand on pourra de nouveau le faire, franchement, si vous êtes, je pense à toi, Kevin, qui est fan de Star Wars, allez voir le musée à Paris, ça vaut vraiment le coup. Il est à Paris ? Il y a l'Expo Lafayette à Drou, à Paris. Mm-hmm. Et l'exposé s'appelle. Attendez, comment ça s'appelle ? C'est une exposition ou un musée ? Les fans contre-attaque, pardon, j'y ai arrivé. Excusez-moi. Oui, écoute, mais écoute même pas. Lui. t'as dit quoi ? T'as dit ? C'est une exposition ou un musée ? Une exposition qui est dans un musée. Ouais, ah bah, du coup, c'est pas pareil. Ouais. Mais parce c'est une exposition qui est. Mouvante, du coup. Ouais, non, mais c'est ça la question. Ouais, c'est tout, ça existe. Tout le temps ou ça change ? Non, c'est pas tout le temps. Ah, elle se déplace ou des fois il y a des périodes où que ça y est, des périodes où elles ne sont pas. Ouais. D'accord. Du coup, cette expo, elle a été créée par un Espagnol qui est né à Madrid pour le coup. Bah, c'est typiquement qui, espagnol. Qui est fan, ouais. qui est fan de Star Wars depuis sa tendre enfance et puis. Du coup, il a décidé de créer cet événement. Ouais. On peut retrouver dans cette expo les personnages très connus, Yoda, R2-D2. C'est des poupées de cire ou un truc du genre, non ? Comment ? C'est des poupées genre en cire ou je sais ouais, pas. Mais, ouais, je vais vous expliquer après. Ouais. Tu retrouves les Ewoks, la princesse Leia et sans oublier Dark Vador. Bah évidemment. Ouais. Et tu les retrouves en taille réelle. Donc il y a déjà Jabba le Hutt qui mesure 5 mètres de long par exemple. Ouais, c'est un gros boudin. On a également un droïde de reconnaissance qui est en taille réelle et mesure 3090 de long. Donc c'est assez sympa. Combien de long ? 3090. Ah oui, 3090. Ah, j'ai compris 3090. Hein. Oui, moi aussi. Ah non. J'allais demander quoi ? Des centimètres ? Ouais, des millimètres, pareil. Des kilomètres. Ils ont dû percer le plafond. Mais ouais, moi j'y suis allé, j'étais très jeune. C'était la période de mon adolescence et ça m'avait vraiment marqué cet événement. Il compte au total 600 pièces avec tout ce qui est exposé dans le musée. Ils ont des accessoires qui ont été utilisés sur le plat. Oui, il y en a plein en fait. Il y a plein d'accessoires. Après, il y a pas tout, mais il y en a. Ce qui est bien aussi, c'est que comment dire, il y a des petits jeux aussi. Je me souviens d'un truc qui m'avait marqué. Tu sais, t'avais le vaisseau de Luke Skywalker. Alors, quand il fait sa course, le vaisseau de Luke qui s'échoue sur la planète de Yoda et qui le rencontre. C'est pas un X-wing. C'est trop bon. Et en fait, ce qui était bien, c'est que en fait, tu pouvais tendre le bras et le vaisseau ils avaient fait un effet où le vaisseau se mettait en lévitation. C'était super stylé, je trouve. J'ai cru qu'il se crachait. Mais c'est cool. Du coup, tu l'as fait. Et le vaisseau était réceptif à ta force. Ouais, du coup, en fait, tu tendais le bras, il s'est détecté que tu tendais le bras, et du coup, le vaisseau se levait, il se rabaissait en fonction de. T'avais pas un genre de test qui te permettait de savoir si t'étais genre un Jedi ou un Sith ? Non, ça aurait été drôle. Ça, c'est dommage. Ça aurait été sympa, ouais. Mais c'était vraiment des expositions de. Des personnages qui ont été dans la saga, et puis comment la saga a été construite. Ouais. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ? J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un élément, un accessoire ou je sais pas, un truc, une pièce qui t'a le plus marqué dans ce musée ? Oui. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté impérial. Le côté impérial, comment ça développe avec un Dark Vador petit peu. Et, gros, tout, le côté méchant. Aussi, on dit toujours que le côté obscur, c'est les méchants. Quoi, d'accord. Et, ils ont une salle réservée au côté méchant, c'est ça ? Comment ? Ils ont une salle réservée aux côtés des méchants ? Ouais, et du coup, moi, ça m'avait vraiment marqué. Ah oui, sinon, ils seraient battus avec les Jedi, hein. Et j'étais vraiment bluffé par ce qu'ils avaient fait, et du coup, j'avais une autre image sur le côté obscur de la Force, du coup. D'accord, ouais. Bah ils ont des cookies d'après Facebook. Parce qu'il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle « Venez du côté obscur, on a des cookies ». Ouais, j'adore ce groupe. Au chocolat noir. Je sais pour pas. Que ça soit obscur. Mais au moins... ça attire. Bah, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer. Bah oui. Le côté obscur est tentant. Mais à contrario, du coup, Jolan, peut-être qu'il y a quelque chose, un objet que tu as trouvé ultra moche, tu vois. Ou tu t'es demandé, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Ou alors. Franchement, pour être honnête avec toi, l'objet que j'ai trouvé chelou, c'était Jabba. Enfin, même si c'est un. Comment dire. Un personnage ? Un personnage. Emblématique. Emblématique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce musée là ? Bah, Jabalot, ouais. Et franchement, il est très. Très. Je sais pas comment mais dire. Mais du coup, en fait, un peu repoussant, ouais, quand même. Il a vraiment sa place, ouais. En fait, du coup, ouais. dans l'exposition. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai des questions, Jolan. La première, est-ce qu'il y a le faucon Millennium ? Oui, il y a vraiment tout dans le musée. T'es monté dedans ? Non. Il est taille miniature. C'est dommage, parce que. Ouais, non, mais je voulais savoir si t'étais monté dedans, et si ça avait été le cas, je t'aurais demandé. T'as été à la vitesse lumière ? Le faucon Millennium, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On sait jamais, hein, ça peut arriver, Jonathan, il ne sait pas ce que c'est le faucon Millennium. Non. Ah. Et ben c'est le vaisseau qu'utilise Han Solo, donc c'est Harrison Ford. Harrison Ford. Ouais. Harrison Ford. Ah oui, Harrison Ford. Ouais. C'est la marque du vaisseau. Oui, ouais, Harrison Ford. Tu remarqueras, Teddy, t'as parlé de Ford, ça a réveillé. Bah oui, non, mais tout de suite, t'es obligé. Et puis là, tu imagines un paquet de pain de mie sur une Ford. Harrison Ford. C'est fort, c'est trop fort. Ouais. Donc, bref, il conduit un vaisseau qui est soi-disant génial et bon, il est souvent en rade. Enfin, il est souvent en rade, mais il arrive quand même. Il s'en sort. Plusieurs fois compagnie à l'unité impériale. Ouais, il s'en sort. Il fait combien du 50, 100 parsec, je sais pas quoi. Je dirais 73,5 à peu près. Ouais, c'est une vitesse folle en tout cas. Hein. Oui, voilà. Mm. Il s'en sort quand même pas mal contre l'Empire. Voilà. Donc c'est un vaisseau qui ressemble à un demi. Que vous soyez grand fan de la saga ou pas, même si vous êtes curieux. Ça vaut le coup d'y aller, c'est ça ? Comment, ça donne vraiment envie d'y aller. Vous pouvez aller voir l'exposé. On a vraiment une grande immersion dans le musée. Est-ce que t'as une idée du prix ? Alors le prix, je saurais plus te dire. Non, c'est pas le prix de vente du faucon Millennium. Hein. Moi, c'est mes parents qui me l'avaient offert, donc je saurais pas te dire. Ouais. Bah bravo. Hein. bravo. Mais ça doit être raisonnable. Non, mais moi, je fais une fixation sur le faucon Millennium. Ils le vendent combien ? Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Ah zut, je l'aurais acheté. Tu peux l'avoir que comme Han Solo en gagnant un jeu. Ah. Ou alors, tu peux essayer d'acheter une boîte Lego faucon Millennium et construire ton faucon Millennium en Lego. Oui, mais il n'y a pas le moteur. Dans l'expo, il propose des ateliers, des concours de cosplay. Et puis ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Les cosplays étaient vraiment super, super beaux. Si tu dois te cosplayer en quelqu'un de Star Wars, ce serait qui, toi ? Les Ewoks, je les trouve trop mignons. C'est quoi, c'est un Ewoks ? C'est dans l'épisode 6 qui arrête pas de suivre Padmé, décalé sur Endor. Voilà. Non, Leia. Leia, ouais. Oui. Ah, les petits nounours là. Les petits nounours. Excellent. C'est ceux-là, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est cool. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question que t'as posée. Toi, Teddy, tu aurais déguisé un personnage ? Mais bon, je suis un peu grand pour me déguiser en Ewoks. Bah, il y a peut-être des Ewoks géants. Ah, c'est une bonne question, ouais. J'aurais pas dû la poser. Il s'est coincé tout seul, le pauvre. Ouais, non, je sais pas, en vrai. Bah, t'as le temps de réfléchir. J'aimerais bien être Rex. Rex. Ouais, j'avoue, j'adore ça, non ? Hein ? C'est pas le chien Rex ? Non, c'est un. Ça dépend comment on voit ça, mais c'est un clone en fait de base, mais un clone gentil. D'accord. Et qui restera gentil jusqu'au bout. Oui, mais comme tu connaissais t'aimes bien le Mandalorian, je pensais. J'aime bien le Mandalorian. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé ? Ouais, le Mandalorian ! Ouais. Je serais bien un Mandalorian à faire la guerre partout, tout le temps. ouais, en fait, si, ouais. C'est... Bah, soit un Mandalorian, soit Rex. Ouais. Ça serait cool. Donc on va demander pas à Jonathan. Si tu serais Jar Jar Binks. Ouais. Voilà. Non mais tu avais le droit de dire autre chose, hein, si t'avais une idée en cosplay. Ah, peut-être pas ce personnage quand même. Ouais. Ouais, ça risque d'être dur. En vrai, il a quand même une fanbase assez importante. Hein. Il y a des gens, ils sont fans de ce truc. Ce dinosaure là. Ouais, ouais, ouais, plus ouais, ouais. Un énervement base plutôt. Ah oui, alors beaucoup de gens qui le détestent. Ouais, c'est tout ça. Ah d'accord. Il est, ah, oui, il est très cool. Énervant comme type quand même. Mais il y a des gens, ils sont fans. Et puis il a servi le côté du bien en fait. Enfin, il est cool. Enfin, il est cool. Je dirais, il a servi malgré lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu la première ligne de sacrifice. Ils ont servi malgré eux, tu vois. Ils meurent. D'ailleurs, si on regarde bien le film, à chaque fois, il fait quelque chose malgré lui. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Hein. Mais même dans les séries, après, dans l'univers étendu, je crois qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il arrive à toujours gagner, en fait, à toujours réussir quelque chose. Il mais... toujours faire un truc de bien malgré lui. C'est ouais. L'inspecteur Gadget de... Il est maladroit. Il ah non, l'inspecteur c'est... Gadget, il peut se rhabiller à côté, vraiment. Ah ouais, ouais, ouais, oui, c'est vrai. C'est pas ouais. Faux. Toi, Kevin, si tu serais un... Il était nudiste, le... Ah ouais, mais alors bah là, oui, pour c'est... aller se rhabiller, c'est oui. Inspecteur Gadget autre chose. C'est plus sur YouP. Tu connais on même pas Inspecteur Gadget, alors. Mais si, c'est l'inspecteur... Mais non, si. Non, mais on parlait pas de ce gadget-là, hein. D'accord. Toi, Kevin, si tu serais... Si tu ferais un cosplay... Si... Tu as peut-être déjà fait un cosplay, d'ailleurs, si ça se trouve. Non. Non, bah, tu serais lequel, alors... à part Anakin? Non, je vais pas être très original, mais ce serait... Entre deux seigneurs Sith, ce sera entre Dark Maul et Dark Vador. Non, et Dark Raven de l'univers légende. D'accord, c'est pas mal. Oui. Il aime être méchant. Hein. Bah, c'est les meilleurs en même temps. Oui, mais c'est ceux qui meurent. Oui. Bon, le bien n'est qu'une question de point de vue. Ce... C'est pas faux. Voilà, ouais. T'as vu ce qui t'attend d'ici ce soir, là, à la fin de la soirée. Hein. Toi, Daniel, si tu ferais un cosplay, tu serais ah bah qui alors, moi, à part je vais... Padmé. Oui, bah justement, j'allais pas répondre Padmé, ça tombe bien, mais je vais vous étonner, je vais vous expliquer pourquoi. J'hésite entre deux personnages. Vas-y. Entre l'empereur Palpatine et la princesse Leia. Ouais. Bizarrement, enfin, la princesse Leia. Pourquoi la princesse Leia? Bah, c'est tous les deux des chefs, alors comme ça tu commandes tout, puis tu fais bosser les C'était autres. C'était pas pour Lenny Barr. Ah bah non. C'est Carrie Fisher qui joue Leia ou je comprends pas. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Tu peux l'aimer. Ah, Carrie Fisher, c'est celle qui joue la méchante dans les 12 Rangers. Mais bien sûr. T'as dit quoi, Jolan? Je disais, tu peux l'aimer parce qu'elle pèse dans le game et pour Sony Bar aussi également, je pense. Hein. Mais c'est pas faux. Non, parce que faut quand même avouer que reconnaître qu'elle a un rôle très important qu'elle ah, fait bah oui. À oui, l'époque oui, oui. En 76 ouais. Quand même réagir pas mal de monde parce que c'était une femme qui était la chef des rebelles. Ouais. Et il y avait quand même eu des réactions d'ailleurs à la fin de l'épisode 4. On a Harrison Ford qui dit. C'est elle, une chef. C'est une chef, c'est une femme qui vous commande quelque chose comme ça. Il réagit ah, comme ça. Ah, une petite blague sexiste. Pas une blague. Ouais, mais en même temps, c'était à l'époque le féminisme à l'époque, c'était pas très non. Développé. Ouais, hein. Non, mais encore heureux que ça a changé. Mais bon. C'est pour ça que j'ai voulu la caser parce qu'il y a souvent les femmes qui me disent, ouais, quand on entend Leia, etc. Bah oui, mais c'est quand même la chef, Leia. Ouais. Mais ils la mettent souvent en position d'esclave aussi au moment quand elle se fait capturer. Ouais, c'est bien Leia qui se fait capturer par. Ouais. Notamment avec Jabba, c'est à ce moment-là que tu penses. Bah bien sûr. Il y a eu tellement de dérives là-dessus. Ah oui, oui avec. Ah, Jabba, on va pas se mentir. Hein, ouais. Bon, excuse-moi Jonathan, je t'ai fait du pied. Oh, c'est pas grave. Mmh. Il t'a confondu avec Leia. Ouais, c'est un peu ça. J'avais envie de tirer du pied. Toi, Théo, tu serais forcément Yoda. Yoda, exactement. Tu serais une petite créature chétive verte. Yoda, je serais. Et tu peux vivre jusqu'à. Il est mort 9, à 900 ans ou 800 ans, je sais plus. Plus de 900 ans, je crois. Plus de 900 ans. C'est bon, merde, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, je crois que t'as une histoire là-dessus sur. Il va devoir parler en verlan pendant tout ce temps-là. Exactement. Alors, par rapport à Yoda, oui, il y a notamment un détail, moi, qui m'avait, je vais pas dire choqué à l'époque, c'était les Sith étaient soi-disant éteints dans l'épisode 1. On n'avait plus de preuves de leur existence ni rien. Et quand Dark Maul meurt, il dit c'est les Sith, toujours par deux, vont, un maître et son apprenti. Enfin, Yoda qui dit ça. Oui, Yoda qui dit ça. Mais comment Yoda peut être au courant de la règle des deux si les Sith sont censés être morts? Parce qu'il connaît des légendes. Mais moi, ce que je pensais, c'était que son maître, dont on ne connaît rien, et c'est bien dommage d'ailleurs, aurait pu lui mettre en garde par rapport à la règle des deux. Ah ouais, non, mais c'est possible. Oui. C'est Yoda, avant d'être maître Jedi, est forcément Padawan. Bah oui. Et bah oui. C'est vrai. Et c'est, donc, c'est il y a une histoire de date qui coïncide pas, tu m'avais expliqué. Qui dirait qu'il serait plus vieux que les 900 oui. ans. Oui. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Voilà. Vu que les dates... En même temps, ils ont eu du mal à tout caser parce qu'ils ont rajouté plein de trucs après. Non, mais je crois qu'il n'y avait pas d'état civil. Il y a des civil. Petits problèmes de cohérence après. Ouais, c'est qu'il n'y avait pas d'état après. Civil à l'époque. Hein. Voilà. Non, oui, c'est... voilà, c'est ça les papiers. ça a mal suivi. Ouais. Par contre, ce qui va suivre, nous, passe. T'avais fini, Jolan, on est d'accord. À moins que t'avais un autre truc à dire sur le musée. Non, mais j'avais terminé, ouais. Bon bah c'est très bien comme ça. Donc on va pouvoir écouter le Megamix 2020 de Flo. Flo Mashup ou Flo tout court? Flo Mashup. Ouais, c'est son blaze. C'est hein. Son vraiment le ouais. Blaze. Ouais. Il met Mashup dans son blaze. Bah on écoute le Megamix 2020. Ouais, ouais, ouais. Bah en gros ça doit être un mix de beaucoup de musique. D'ailleurs, 2020, Yoda est redevenu Théo, il reparle à l'endroit. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que c'est un peu dur de tenir toute une émission sur un sujet qu'on connaît pas en parlant vers l'angle. Ça y est, t'as abandonné ton rôle. Ouais, j'avoue. Mais je vais le reprendre dans un instant parce qu'on va continuer notre histoire. On va même la commencer, notre histoire. Oui, oui. Oui. Ça sera pas trop tôt. Et Daniel, tu vas nous parler de Skywalker. Flow Mashup, ouais. Megamix 2020. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Alors ouais, au cas où vous n'aurez pas compris, vous êtes bien sur Indestar dans une émission spéciale Star Wars parce que c'est la marche de l'Empereur. J'adore ce thème. C'est très bien pour... ouais. En fait, si vous voulez faire... si vous avez un entretien d'embauche, vous arrivez comme ça, je suis sûr que vous êtes pris. Avec le sabre laser à la main, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Le sabre. Et n'oubliez pas la cape, c'est important. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu trop m'as-tu vu? C'est peut-être un peu trop m'as-tu vu, peut-être. Mais ça peut marcher sur un malentendu, on ne sait jamais. Alors, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu... Mais cette musique-là, elle a été reprise lors d'une manifestation. Il y a un meme sur Twitter qui tourne. Wow. Des CRS qui sont avec un accoutrement de CRS, pour le d'accord, coup. D'accord, oui. Il y a un mec à la trompette qui joue l'air Star Wars oui. Quand il passe en rang aligné avec leur bouclier. C'est assez marrant. Et c'est une vidéo qui a été virale. Ah ouais. Ouais. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'écouter un bootleg une reprise aussi. De DJ ah oui, Zebra bootleg. Avec Joystar et Star Wars. Ouais, ouais. Oh. Ça donne un truc. Et Joe Star. Ouais, ouais. Star, Joe Star sur une des Star Wars. C'est... Exactement. Ouais, c'est... Ouais. Ça va envoyer du lourd. Ah bah ça envoie du lourd. Ouais. Ah, d'ailleurs, ouais. En parlant d'envoyer du lourd, il est temps. C'est le moment, c'est le grand moment de l'histoire farfelue, improvisée qui va nous arriver. Ouais. On va faire exploser quelle planète? On sait pas. Est-ce qu'on fera exploser une planète? Aucune déjà, pour l'instant. Ouais. c'est l'heure de l'histoire de Daniel. Donc, Daniel. Eh oui. À toi de jouer. Narrateur. Je vais jouer. Alors. Comme je le disais tout à l'heure, Yoda a ressenti de violents à-coups qui perturbent aléatoirement la Force. Malgré, comme je disais, sa grande expérience, hein, 900 ans d'une vie de Jedi quand même, c'est pas rien, hein, c'est quand même quelque chose. Il n'avait jamais ressenti ce genre de perturbation. Alors, il en parle à son copain, là, Obi-Wan Kenobi, puis... Bah Obi-Wan Kenobi, il est toujours avec son Padawan, qui est presque un Jedi d'ailleurs. Presque. Si c'est pas dans le nom, c'est dans la forme. Hein. Anakin Skywalker. Bah qu'est-ce qu'il fait hein? Il y a un endroit où ils ont tout répertorié, c'est les archives de la médiathèque du Temple Jedi. Alors Yoda, Obi-Wan et Anakin, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, à la médiathèque, pour consulter les archives liées au phénomène. De perturbation de la Force. Alors, où est-ce que cela peut bien être cela? Cherche-je. Oui, il faut bien avouer qu'il y a tellement d'ouvrages, c'est difficile. Pas je trouve. Force! Je vais utiliser. Maître Yoda, chut, s'il vous plaît, vous êtes dans la bibliothèque, je vous rappelle. On ne fait pas de bruit. Force, je vais utiliser. Maître Yoda, vous pouvez aller demander, je crois qu'il y a quelqu'un à l'accueil pour ça. Pas besoin, j'ai... Force, es-tu là? Je suis là. Maître Kenobi, Maître Yoda, êtes-vous sûr qu'on trouvera ici? Oui. Trouvera-on. Et là que se passe-t-il? Oh, étonné, ouais. Je suis. La force guide notre groupe de Jedi sur le rapport d'Obi-Wan Kenobi lorsque lui et son maître Qui-Gon Jinn ont affronté Dark Maul. Étonnant, c'est une raison, il doit y avoir. Alors, Yoda, donc, voyant ce rapport devant lui, arrivé devant lui... Étonné, je suis. Oui, comme par magie, mais c'est normal, c'est la force qui fait la magie. Et même lui, étonné, il est. Donc, Donc forcément. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde le rapport. Slap, slap, slap, slap. Hein ? Obi-Wan regarde le rapport. Page 6, slap. Anakin, regarde aussi ce qu'il est. Ouais, Anakin aussi regarde le rapport. Hein ? Et puis... Maître Kenobi, qui était ce fameux Dark Maul ? Maître Kenobi. Oui, pardon, d'après nos sources, Dark Maul était un site. Un site internet. Je crois que Maître Kenobi était parti aux toilettes et qu'il a raté quelque chose. Quelque chose tu as raté, Maître Kenobi. Nous allons sur la planète. Ah oui, qu'y a-t-il Naboo sur ce rapport? Ah. Qu'y a-t-il? Rapport. Rien du tout. Rien. Fallait laisser le suspense un petit peu et parce non. que, en fait, je trouvais qu'il allait trop vite, Maître Yoda. Parler à l'envers, ça remet pas les idées à l'endroit, apparemment. Hein. Donc, que fait Yoda en accord avec Obi-Wan Kenobi? Et quand même, Anakin, c'est un Skywalker, même si c'est qu'un Padawan, faut le former à prendre des décisions. Que font-ils? Que vont-ils faire? Naboo, sur la planète, nous allons aller. Pourquoi Naboo, Maître Yoda et Maître Kenobi? Parce que c'est Naboo que j'ai choisi. Je crois, alors, excusez-moi, le narrateur... La force, évidemment. Le narrateur est obligé un peu de recadrer l'histoire. C'est qu'en fait, il faut se rappeler que le combat entre Obi-Wan Kenobi, qui était à l'époque le Padawan de Qui-Gon Jinn, contre Dark Maul, s'est déroulé où? Sur la planète Naboo. Exact. Un point pour Yoda. Ah non, c'était pas le quiz, pardon. Gagné G. Donc, nous allons les retrouver tout à l'heure sur la planète Naboo. Après le vaisseau spatial que nous allons prendre. Oui. Ça, c'est le vaisseau qui décolle. Hein. Ah, ouais, d'accord. Problème, nous avons sur le vaisseau. Quelqu'un peut nous faire un bruit de vaisseau qui part dans la vitesse lumière. Ah, voilà. Ouais, c'était le Faucon Millennium, en fait, ou son cousin qui était en panne, encore une fois. Ah, ouais, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Le Millennium Faucon. Attends, est en panne. Vous avez déjà le Faucon Millennium? Cette histoire est totalement... Ok. Non, c'est un de la même famille. Hein. Ah oui, d'accord, c'est le Faucon... C'est son cousin. Centenaire. C'est l'aigle millénial. Non, c'est le faucon centenaire. Le modèle d'avant, c'est... Le faucon. Le faucon. Le tout court faucon. Et pas le confo. Oh mon dieu. Ça part trop loin, ça a même pas commencé. Ils ont juste été chercher un livre. Non mais j'ai l'impression que c'est la vraie histoire, moi, vu que j'ai pas vu les films. Ça me paraît pas bizarre. Ton Star Wars sera l'histoire que Daniel aura inventé ce soir. Ok. Au moins, il connaîtra une histoire de Star Wars. Ça fait rêver. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée, Daniel, de mettre dans un personnage principal un mec qui a jamais vu l'univers Star Wars? Et ben justement, c'est pour le délire. En vrai, d'accord. Ouais. C'est pas mal. Il va galérer. Il va galérer, notre Yoda. Hein. Bah, rien que pour parler en verlan. De toute façon, oui, non, mais il fait très bien le Yoda. Hein. Il parle à l'envers. Ouais, des fois. Mais tu peux t'aider en disant c'est la force qui me guide. Oui. Toujours. Ah, mais je sais pas où me guide la force. Non, mais si elle dit d'aller manger des marshmallows, bah ouais, c'est la force qui te l'a dit. Par exemple, t'as derrière toi un exemple que je vois sur l'écran concret. Au lieu de dire j'ai vu de la lumière, c'est de la lumière, j'ai vu. Ouais, non, mais j'ai compris le principe. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose si vous venez d'arriver dans cette émission. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas compris, il y aura toujours le podcast qui sera disponible. Et on est dans l'univers Star Wars. Dans le pire des cas, vous appelez Indestar au 09 70 407 306 pour dire j'ai pas compris ou c'est de la merde. Et on vous expliquera. Vous avez le droit de dire c'est de la merde. Vous pouvez même participer à cette émission et interpréter un personnage si l'envie vous tente. Ouais, alors je précise, on vous expliquera sauf si vous tombez sur Théo. Ah bah moi je vous expliquerai. C'est Théo qui vous expliquera d'une façon un peu différente les choses. Ou on parlera d'un autre film. Ouais. Que ça sera mieux. Donc là dans l'immédiat je pense qu'on va s'écouter. Ah non, on n'a pas le droit de dire on va s'écouter. Non, mais par contre je voulais qu'on parle de la famille Skywalker. Tu voulais qu'on parle de la famille? Bah ouais, pourquoi pas. Parce que c'est la famille. C'est la famille. Bah ouais. Ok, bah voici, c'est la famille, on parle. Bah oui, Kevin, tu voulais nous parler de la famille. Non, c'est Daniel. C'est la famille quand même. Il a assez de choses à raconter comme ça, il va m'en laisser un peu. Tu veux nous parler de la famille Skywalker? Ouais, bah oui, la famille Skywalker, c'est quand même l'élément central de Star Wars. Et c'est pas faux. Ah, donc on en parle, mais. J'ai une question, Daniel. Ouais. Il y a qu'une guerre dans ton film? Parce que tu dis Star Wars à chaque fois. Je me dis, tiens. C'est Star Wars. Ah oui, Star Wars. Et non, mais je me disais, en fait, Daniel, il a vu que le premier épisode. C'est pour ça. Et justement, on va voir quelque chose, une question que tout le monde se pose. Pourquoi le premier film tournait. L'épisode 4. Ah oui, ça vous c'est aurez une très la bonne réponse question. Dans quelques minutes. Ah mince. Grâce justement à la famille Skywalker. Mm-hmm. Grâce alors, ou à cause hein. Voilà. Je préfère grâce. D'accord. Parce que c'était pas de sa faute. Grâce. Pardon. Voilà. Non, ouais, vas-y. Parce qu'ils ont demandé grâce, je sais pas, mais. Soit. Bon, c'est possible. Alors, tout le monde connaît le. Luke Skywalker. Ah non. Non okay. Hein. Si. Qui est né justement, et là je vais vous donner des explications, en 19 avant la Battle of Yavin, donc la bataille de Yavin. Ouais, mm-hmm. Avant voilà. BV. Et par rapport à JC. Voilà, c'est comme JC, comme Jean-Claude, c'est Benoît Yves. Voilà. Avant Benoît Yves. Voilà. Donc lui, apparemment, il est mort en 34 après cette bataille. Alors pourquoi cette bataille c'est le point zéro? Justement, ça, comme par hasard, ça correspond à l'épisode 4. Ceux qui ont vu l'épisode 4 savent qu'il y a une bataille de destruction de l'étoile de la mort à la fin. Ouais, c'est sympa. Et ben ça, c'est la bataille de Yavin. D'accord. Donc c'est le point zéro de l'histoire. D'accord. De la guerre des étoiles. Et après, il y a eu d'autres batailles en plus. Il y en a même eu avant. Ouais. Ouais, Mandalore voilà. Par exemple. Mais voilà. Alors, j'allais dire tout le monde sait, mais non. Bah non. Non, c'est pas une phrase comme ça. Théo ne sait pas. Ouais, Théo ne sait pas. Presque tout le monde, ok. Moi non plus. Oh ouais, qui était le papa de Luke? Ah bah c'est... Ah moi je sais, mais je dirais rien. Ouais. Roger. Au pif. Non mais Roger Skywalker, c'était son... Roger c'est ton... peut-être son deuxième prénom, hein. Donc c'est Anakin. Ah ouais. Ah c'est un moment, c'est Padmé et... Il n'y a pas de mère d'ailleurs, mais... Ah mais moi j'ai rien dit parce que je savais. Ah donc qu'il a eu avec Padmé. Ouais. Et donc Luke, on apprend dans le 6 qu'il a une sœur jumelle. Ouais. Et qui est confirmé au moment de la naissance dans le 3 d'ailleurs. Hein. Ouais. D'ailleurs. Hein. Il a failli tomber amoureux d'ailleurs. Ouais. Il y a eu un petit lien. On a eu un doute à un moment, ouais. Mais au final non, elle a préféré le bad boy. Ah c'est chelou ça. Bah c'est chelou, mais ils savaient pas en même temps. Ouais. Mais ils sont pas sortis ensemble ou quoi que ce soit, mais elle a préféré Han Solo, enfin Harrison Ford. Ouais, la t'imagines, classe. T'imagines, t'es étudiant, tu te rencontres une fille. C'est ta sœur. Oui, j'imagine que c'est un scénario de film qui a dû déjà être tourné. Alors là, j'ai l'impression que Jonathan a les boules et qui finalement il va plus rencontrer de fille de peur que ce soit sa sœur. Non. Non, je vous dis que c'est déjà dû arriver et les enfants d'avoir une tête bizarre. C'est arrivé dans le Nord. Dans certains pays, je l'avais déjà dit, mais je crois que c'est en Estonie de mémoire où le pays est tellement petit que. Ah bah, oui, tu dois vérifier dans un arbre généalogique si c'est pas. T'as une ta application. T'as un site internet en fait où tu rentres différentes choses sur toi et pour savoir si la personne que tu viens de rencontrer n'est pas quelqu'un trop de ta proche. Famille quoi, ouais, n'est pas trop proche. Ouais. Mais dis-moi, ça marche aussi pour le Vatican parce que le pays est encore plus petit là. Je sais pas s'ils le Vatican en... ils se reproduisent pas. Ah. Mais pourtant il y en a tout le temps. Oui, mais c'est des vieux qui ils s'exportent. c'est des migrants. Des migrants qui arrivent au Vatican. N'importe quoi. Voilà. Alors quand même, alors là je continue un petit peu sur ceux qui connaissent. Après, je vous poserai des questions quand même. Et tout le monde sait que bah il y a encore un rapport avec JC, avec Anakin et puis sa maman Chimie Skywalker. Chimio. Chimie. Sa maman qui était l'esclave de comment il s'appelait là. Comment il s'appelle? C'est Bulba. C'est merci Bulba. Kevin. Bah c'est vrai. Une espèce de grosse mouche, hein, clairement. Oui. Ouais ouais. On parlait d'insectes. Voilà. Voilà. Donc, elle ne sait pas comment elle l'a eu. C'est vrai qu'on a eu un précédent chez nous aussi. Donc, il y a quand même. Ils ont peut-être repiqué un peu nos histoires quand même. Finalement, on y réfléchit. Peut-être. Mais voilà. Je vous ai parlé des principaux. Mais savez-vous donc dans l'arbre généalogique des Skywalker, s'il y en a d'autres, les enfants, les petits enfants, les oncles, les tantes et tout, combien il y a de personnes? Combien de personnages créés pour la vraiment la saga, l'univers légende, donc l'univers étendu, tout, entre les films, combien il y a de Skywalker? Il y a de Skywalker. Donc depuis les grands-parents, c'est ça que tu... Je dirais 7. Depuis chimie jusque dans l'univers. J'ai envie de dire 7. Ça me paraît un peu trop, mais en même temps, ça a l'air d'être une question piège. Il y en a 5. Non, 5, t'es loin. Il y en a 12. Même 7, t'es loin. 36. T'es plus près. Ah. 42. Tu t'es que loin. 40. Non. 39. Non, non, le juste entré, 41. Non, c'est en dessous. 40. 33. 36. 33. 33. C'est comme chez le médecin. 33. Dites 33. Okay. J'en ai dénombré 33. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai dénombré 33 personnages. Mmh. Ah ouais. Donc, bon, ils s'appellent pas tous Skywalker. Ouais. Parce qu'après, il y a mais les mariages. Mais c'est ses descendants ou c'est avant, souvent souvent les descendants à cause de l'univers légende. Oui. Alors, on en retrouve 6 dans les films et dans l'univers légende. Ouais. Qui sont Chimie, Anakin, Luke, Leia. Ren. Tiens, j'ai pas noté. Ren, c'en est un, non? Hein? Kylo Ren. Ben Solo, oui. Ouais. Ben Solo, ouais. Donc il y en a 6 qui sont dedans, 7 qui sont juste dans les films. Ouais. Et donc le solde, le total, une vingtaine que dans l'univers légende. J'ai bien fait de dire 7. Mmh. Et d'ailleurs, je me suis même amusé à compter tous les personnages qui avaient un rôle dans Star Wars, donc qui intervenaient d'une façon ou d'une autre, même si c'est pour dire aïe aïe aïe, j'ai mal. Hein. Ah ouais. Dans tout Star Wars ou juste dans les films? Non, dans tout. Dans tout l'univers Star Wars. T'as vu tout l'univers Star Wars? Non, j'ai compté seulement. Hein. J'ai compté tous ceux que j'ai pu répertorier. Oh, sinon, à mon avis, plein. Je me serais endormi avant. Tu dois en avoir plein. Trop. Ah oui, non, mais il y en a plein. Il y en a même trop. Ça, je confirme. Pourquoi c'est la bonne réponse. je sais pas, 3000 plus. Oh c'est non, quand même. Non, même ils sont fous. Mais non, avec les figurants, il y en a sûrement plus de 3000, oui. Ouais, mais j'irais 1150. Plutôt 684. Non, c'est pas 684. 725. C'est encore moins. C'est 200. Un peu plus de 200, oui. 280. C'est tout ? 230 ? C'est 232. Waouh, pas mal. Alors, c'est ce que j'ai compté. Tu gagnes la voiture, donc, Jonathan. qui sera disponible dans 25 ans, hein, la voiture. Hein. Évidemment, évidemment. Ça va, c'est demain, alors. Voiture en jouet, hein, je précise, parce qu'on n'a pas les moyens. Ah oui, forcément. Forcément. Alors, donc. Sache qu'il y a des marques qui vous proposent ça à gagner. On prend en photo une voiture hyper réaliste. Ouais. Elle dit que vous pouvez gagner ça. Et si t'as gagné, tu reçois vraiment ça. Tu reçois la miniature. Alors, voilà. Ouais. Donc, les fans de Star Wars le savent, les autres ne le savent pas. Que la famille Solo, finalement, est une branche de la famille Skywalker. Mmh. Vu que Leia a épousé. Mais la famille Solo, il n'y a pas qu'une seule personne. Les descendants des Solo. Non, ils sont peut-être tous égoïstes, c'est possible. Ah ouais. À l'origine, il était tout seul, Solo, mais il n'est plus tout seul. D'accord, ouais. Il s'est reproduit. C'est plus ses descendants, au final, qui sont. Donc, Leia, oui. Tous les descendants des Solo sont des Skywalker. Solo et voilà. De Leia. Ouais. Donc, il y a eu Ben Solo, effectivement. Hein. J'ai cru que t'as dit tous les descendants de Solo sont Solo. C'est pas faux. Bah, techniquement, ouais. C'est aussi des Solo comme des Skywalker, comme des. Bah, avec quoi ils se fourniquent, hein, clairement. Ouais. Je vais vous avouer une petite chose, c'est que j'avais créé un arbre généalogique et j'ai oublié de la manger. Alors d'accord. Voilà. Tu t'étais amusé à nous créer un arbre généalogique de la famille Skywalker. Ah ouais, j'avais fait ça, oui. Avec les 33. Avec les 33. Oh là là. Ouais. Donc c'était. Combien sont encore en vie? Je sais pas. À quel moment on s'arrête pour dire tiens, eux ils sont en vie? Alors, ils sont... du côté des solos, il y a Jaina Solo, et, qui est la sœur jumelle de Anya, qui sont des descendants directs de. De Han? De Han et de Leia. D'accord. Et voilà. Descendants, genre ses fils, ses filles? Ses petites filles? Non, c'est les petites filles, ce sont les enfants de Ben. Ah ouais. Sauf erreur de ma part. Et donc eux, ils ont potentiellement la force en eux. Potentiellement, mais je leur ai pas demandé. Hein. J'ai pas voulu prendre un coup de sable laser dans la tronche. Hein, donc. Ouais, ils ont déjà un sabre, c'est déjà pas mal. Voilà, ouais, voilà, absolument. Ouais. Mais par contre, les Skywalker, il y en a encore beaucoup. Hein. Ah oui, non mais. Lesquels, lequel tu préfères dans les Skywalker? Ah, c'est dur comme question. Ouais. Ah, j'ai oublié Anakin Solo en fait. Anakin Solo. Ouais. C'est quoi ça? C'est Anakin, c'est Leia qui a voulu que ça soit le nom de son père pour un de ses fils. Ah, elle a deux fils, Leia? Oui, mais celui-là, c'est dans l'univers légende. D'accord. Voilà. Donc elle a eu Ben et Anakin. Ben en vrai, et puis Anakin en faux. En faux, mais légende aussi, mais ça compte? Légende, c'est pas totalement faux, c'est juste... Ça n'a pas été montré cinématographiquement. Voilà, c'est ça. En fait, depuis le temps que j'entendais plus Kevin, j'ai dit exprès une connerie pour qu'il puisse me reprendre. Ah, voilà. Ça voilà. C'est vicieux, c'est beau. Non, bah, j'ai compris, je dirais plus rien. Bah non, t'es là en tant que spécialiste quand même, c'est pas moi. Hein. Alors, parmi les Skywalker, je vous en ai cité quelques-uns. Alors, il y en a un qui s'appelle Cade. Ouais. Hein ? T'es d'accord avec moi ? Il est quoi, lui ? Il est agriculteur. Cade ? Non. Non, pas vraiment. Non, c'est le fils d'un autre dont je vous ai pas donné le nom, qui s'appelle Cole. Qui lui-même est le fils de Jade. Qui lui-même est un descendant de Luke Skywalker. Hein ? Mais, parce qu'on arrive toujours à trouver un mais quand même, hein. En fait, on ne sait pas combien il y a de générations entre Luke et Cole. Si on prend quand même les dates, on peut estimer 2 ou 3. D'accord, donc il y a un trou quand même dans cet arbre. Voilà. Ouais. Et j'ai incorporé le trou dans mon arbre. C'est pas un pivert qui l'a fait. Hein. Certes. Il n'y a pas de pivert, j'en ai jamais vu dans Star Wars d'ailleurs. On met un hibou. Ouais, voilà. Donc, il y a eu un Ben aussi là, chez les Skywalker. Il n'y a pas que chez les Solo. Ah oui, hein. L'oncle. Non, l'oncle non, Ben. Oui, l'oncle Ben. Donc, il y a eu Ben Skywalker. Ouais. Qui est fils de Luke. Ah, puis oui, il faut quand même que je vous donne le nom de la femme de Luke, quand même. Hein. Ah oui. Tu la connais, Kevin ? Oui. Et c'est notamment un de mes personnages féminins préférés. Ah ! Et qui, Luke, a-t-il fait sa vie en vrai ? Lightyear. Non. Non. Et elle s'appelle ? Mara Jade. Gagner, c'est exactement ce que j'ai sur ma fiche, tu vois. C'est Mara Jade. Je sais pas qui c'est. On la voit dans. Non, on la voit pas dans les films. Que l'étendue ? Ouais, c'est ça, que l'étendue. Et c'est une ancienne, on va dire, Servitos Sith. Exact. Oh, bah d'accord. Oh, bah d'accord. Bonne réponse, c'est ce que j'ai sur mes papiers. Que Luke, après, a pris sous son aile et a. On va dire. Son purifié son âme. Ah, voilà, c'est ça. Les Jedi ont des ailes ? C'est un peu ça. Ouais. Peut-être avec leur pouvoir. Ah, peut-être. Bah, on sait qu'ils peuvent voler hein, d'une certaine manière. Ouais. Avec la force, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, les sauts de force, oui. Donc, c'est dans les choses. Ils font des trucs assez sympas. C'est un peu des Superman. Ouais, absolument. Techniquement, Superman ne vole pas. Il saute très haut. Ouais. Voilà, c'est pas pareil. Il fait demi-tour quand même, des fois, en plein vol. Donc, hein Oui, mais c'est normal, il peut sauter dans l'air. Non mais c'est vrai, il y a une histoire comme ça, j'avais eu une petite parenthèse sur Superman, mais il y avait une histoire comme quoi il volerait pas vraiment, c'est juste qu'il saute Superman il vole. Si parce que des fois il a le bras en avant. J'ai dit qu'il y avait ça. Une histoire comme ça, ouais, j'ai pas dit que j'étais un expert. C'est un fake. ouais parce attention, que hein. Dans un épisode j'ai vu il vole et puis il fait demi-tour. Hein, ouais mais c'est normal, si le cinéma sautes, c'est le cinéma. Et quand il emmène là, tu vas déclarer une guerre. Bah ouais parce que après nous on connaît le cinéma de Superman, mais dans les comics c'est autre chose. Parce que les comics disent une certaine part de vérité, enfin plus vérité que les cinémas. Ouais. Ah ouais, ce que je veux dire. Surtout Lois et Clark, et oui. Dans Lois et Clark, je suis désolé, il vole, il peut faire ce qu'il veut. C'est un fond vert qui se déplace. Ouais. Non mais c'est vrai, il vole, je l'ai vu. Hein. Bah oui. Dans le comics. Des fois il s'arrête, il prend quelqu'un au vol, il s'arrête. De ses propres yeux. Bah oui. Ouais, mais techniquement, ça physiquement, c'est pas possible. Parce que ça, alors, ça je peux dire un truc là-dessus. Attends, quand il prend quelqu'un au vol, en fait, il est trop rapide. Normalement, la personne, quand mais il met non, ses bras sur la personne, il est sur la personne alors... à trois parts égales. Mais non, parce que il est hyper, comment dire, il est hyper fort, Superman. Regarde dans le premier épisode, quand il arrive en ville, il arrête un bus. Oui, mais justement, le bus il se crash contre Superman. Non, mais... Donc, une personne qui tombe sur Superman, elle se coupe en trois. Ah, j'avoue. Non, ça dépend de la douceur. Ça fait mal. Ça dépend de la douceur. Il est très doux. Bah, sinon, faut qu'il descende aussi un petit peu, mais on le voit pas descendre. Alors, par contre, j'aurais aimé décrire la scène, parce que là, vous pouvez pas voir malheureusement. Mais quand on voyait Teddy et Théo faire Superman. On avait l'impression qu'il mettait la main au cul de quelqu'un. Ah non, je voyais pas comme ça. Non, moi je voyais plutôt sous-peser un objet, tu vois. Sous-peser un cul, ça va. Mais on n'est pas obligé de parler de cul. Hein. Non, non. On peut sous-poser des pastèques aussi, parce que ça m'arrive souvent. Ouais, bah, pourquoi absolument. Je sais pas. Alors il y en a d'autres, il y a Native Skywalker. Ouais. Hein, il y a Cade, qui lui est le fils de Cole. Et après, par contre, alors là, on se perd après. Là, c'était déjà perdu. Ah ouais, non, mais c'est un bordel pas possible parce que après, il y en a. Il meurt. Ouais. Il y a la famille. Alors. La famille Morrigan blanc. Morrigan Cord, qui est la femme de Cole Skywalker. Ah bah, c'est difficile sans l'arbre généalogique. Hein. Ouais. Là, je fais une performance. Hein. Et qui est la mère de Cade. Alors après, donc, il y a Tennel, Kadjo, qui est Kevin, tu connais Là, de nom, ça ne me dit absolument rien. Ah, bah ça y est, après, on a réussi. Oui. Peut-être qu'en expliquant, je saurai qui c'est. Tenelka a rejoint Luke Skywalker à l'Académie Jedi. Elle était d'une jeune adolescente, elle est devenue une amie proche de Jacen et Jaina Solo. C'est pas la deuxième formateuse derrière Luke ? Il y a quelque chose comme ça, je l'ai pas noté, mais Luke a fait une école de Jedi. Alors, si. Voilà. Oui, justement, que Ben détruit après. Ah oui, parce qu'il l'a fondé en fait, Luke, oui. Parce qu'il y avait Luke plus rien du Jedi. Luke a voulu reconstruire l'ordre, sauf que bah. Malheureusement, dans tout ordre, il y a toujours. C'est quoi une formateuse? C'est pour formater. Ouais, bah c'est. Ouais, c'est ça, ah. Formate, ça formate. D'accord, parce qu'après on a plus de données. Ouais, c'est ça, ok. Voilà. Autrement, bah. Il y en a, ils pouvaient pas avoir d'enfants, alors ils ont adopté. Hein. Ah, mais du coup, ils ont pas la même sensibilité à la force. Parce qu'on sait que la force est sensible chez les Skywalker. Ah ouais, non, mais c'est. Mais c'est... déjà chez les Solo. Hein. Tu leur sors la main, tu la sens, la force. Hein. Oui. Ils ont de la poigne, hein. Ouais, mais c'est pas pareil que ah, la c'est force. Pas cette force. Ouais, non, là c'est. Ah. C'est la force. Ouais, magie. Télékinésie. Enfin, aurais-je pas compris quelque chose? À toi de me dire. Ah. Je croyais que c'était cette force. Une bonne poigne, un bon boulanger, ça fait l'affaire. Hein. Et voilà, j'ai placé la boulangerie dans c'est cette émission. C'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà. Tu l'avais pas placé. Je l'avais pas placé, c'est placé. Allez, ça c'est fait. Bien joué, bah. Voilà. Bon, une poignée pour quoi? Pour Une poignée de porte, voyons. Ah, d'accord. Non, une poignée de main. Parce qu'on parle de force, mais c'est pas une force dans la poignée de main qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est la force, c'est une. Je sais pas. Oui, un pouvoir. C'est grâce au médichlorien, si je me. C'est ça, hein. Alors, scientifiquement, c'est ça. Ouais. Comme ils expliquent. Mais c'est plus une entité qui entoure les Jedi, les Sith, qui entoure tout l'univers et qui se manifeste... Toutes les créatures, même. Voilà, bah, tout l'univers. Ouais. Oui, c'est... Mais qui se manifeste plus fortement chez d'autres personnes. Et... Ah d'accord, et c'est un peu injuste, là... alors. Oui, voilà. C'est un peu injuste, mais ça leur permet d'avoir des pouvoirs quand même assez cool. Parce que les Jedi, on sait, ils peuvent bouger des trucs avec... ouais, je te pousse, invisible. Enfin, c'est super comme image. Hein. Les Jedi ont ça et les Sith, on les éclaire... Ouais. Là, c'est en fonction du l'étranglement pouvoir. Aussi, c'est sympa. Oui, l'étranglement. En fonction du côté, il y a des pouvoirs forcément différents. Ouais. D'accord. Voilà. Kevin, si je te dis qu'il y a des enfants adoptifs, là, quand même, qui est connu sous le nom de Banta. Banta. Ça te dit quelque chose? Banta. De Wakfu? C'est pas de mille. Non. Non, ça me dit absolument. Non. Donc c'est Mika qui est l'enfant adoptif de Natalie Skywalker. Le chanteur. C'est... Ouais, c'est Skywalker. Et donc qui devient le demi-frère des enfants adoptés de sa femme. Parce que. Alors, il a adopté les enfants de sa femme qu'il a épousé, lui. D'accord. Il s'est pas fatigué à faire les gamins, il a adopté. Hein, c'est... Plus rapide. Voilà. Je crois que ça va plus vite. Hein. Ouais, bah ouais, c'est plus simple aussi. Hein. C'est déjà plus grand. C'est... Ah, je sais pas, pas de couche à changer. Ah, bah si, tu rates des années, hop là, c'est réglé. Hein. Ici, ça met quand même 5-10 ans hein, sur Terre. De quoi? Mais on n'est pas sur Terre là. Ah oui, mais là, ouais, mais là l'adoption c'est. Oh, là, c'est rapide. Là, ouais. Je te tue et hop, j'adopte. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu plus rapide. Voilà. Oui. Voilà, on règle un coup de sabre laser et puis ça y est. Voilà, c'est adopté, c'est emballé, c'est pesé. Tu veux pas que je l'adopte? Un coup de sabre laser. Une autre façon, ouais, je vois. Le problème, c'est quand tu signes les papiers avec le sabre laser, hein, tu brûles les papiers. Hein. Tu sais très bien, Jonathan, qu'on résout tous les problèmes par la violence. Surtout dans Star Wars. Surtout quand tu, quand tu représentes la paix. Ah ouais, c'est quand bon. Même. Voilà. Donc, bah, je voulais... J'ai pas parlé de tout le monde encore. Mais il y a les oncles. Il y a les oncles, les tantes. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ou... Bon, on a déjà parlé de l'oncle Ben. Ouais, non, mais il aurait pu être l'oncle Soul aussi qui nous. Ah, non, mais par contre. Ben l'oncle Soul. Tu nous as pas dit quel était ton préféré quand même. Si t'avais dans un les petit Skywalker préféré. Ouais. Ah bah, il faut que je réfléchisse. Ah bah. Si tu veux, en attendant de réfléchir, on peut lancer un titre d'une bon, artiste déjà, que j'aime bien. Bon, déjà, c'est pas Chimie parce que c'était l'esclave, alors ça me non, mais réfléchis tout seul. Hein. Pourquoi on m'entend réfléchis là dans ta tête. Pourquoi on m'entend? On n'a pas coupé le micro. On n'a pas coupé le micro. Par contre, on va pas tarder à Théo, le couper parce que qu'on va écouter... t'avais pas coupé mon micro. On va écouter la musique de Lindsey Sterling, It Ain't Me. Ouais, c'est une reprise. Bah oui, mais de quoi? Bah, tu sais comment elle s'appelle Lady Gaga. Non, elle Katy est plus Perry. Jeune. C'est une reprise de la couturière. Elle est américaine. Elle Britney est plus jeune. Non, Taylor est... Swift. Non. Elle est moins riche. Miley Cyrus. Céline Dion. Elle est moins riche. Ah oui, moins riche. On a fait les salaires des stars l'autre fois. Pour trouver la star. Mais elle est moins riche. Ouais, c'est ça. Dakota Ford. Tu sais celle qui faisait Onana, Onana. Camila Cabello. Ah bah c'est pas elle. Selena Gomez. Oui, Selena Gomez. On y est. Lindsay Sterling a repris It's Ain't Me de Selena Gomez et c'est sur Indestar et c'est maintenant. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Oui, vous êtes toujours sur Indestar. Oui, ça bug un peu, mais c'est la force. Comment ça, ça bug un peu? Non, mais c'est la force qui tu est avec nous. Tu veux dire que j'ai pas appuyé sur le bon bouton? Tu as appuyé sur le bon bouton. C'est la force qui a décidé que ça marcherait pas correctement. Parce que la force était présente avec nous ce soir. On est dans une émission spéciale Star Wars pour conclure cette année de folie. Cette année de folie, bah, ça, c'était la folie. C'était le gold number. C'était beaucoup de choses cette année. Vous pouvez même retrouver les meilleurs moments de cette année, enfin même tous les moments de cette année, qui sont tous les meilleurs sur indestar.fr en podcast évidemment. Ouais, vous avez environ 146 heures à écouter. Voilà, donc c'est 146 heures de bons moments. Vous avez une semaine non-stop là déjà. Ouais, donc ça fait de quoi s'amuser. Hein, ouais. Donc vous pouvez retrouver ça sur indestar.fr ou alors sur Spotify, Deezer, sur les applications podcast, de podcast. Ouais. En règle générale, nous sommes présents. Et même sur le site Indestar. Hein, vous pouvez les retrouver. Ah ouais. C'est beau le progrès. Hein. C'est tellement beau. En plus, c'est les visuels sur le site. Ah. En parlant de progrès, parce qu'on parle de Star Wars depuis tout à l'heure, Star Wars, il y a eu 3 films. Il y a eu 3 films après. Il y a eu encore d'autres trucs. Jusqu'à venir à... Alors, le tout dernier en liste, c'est The Bad Batch, on est d'accord? La série, oui. Ouais. Et juste avant, c'était quoi? C'est The Mandalorian, si je me trompe pas. Il n'y a pas eu de truc entre-temps? Non. Eh ben, tu sais quoi, c'est mon sujet. C'est bien ça tombe tellement bien. Ah merde, je l'ai effacé avec mes feuilles. Ah oui, alors on rappelle qu'effectivement, Teddy... Non mais ça c'est bien fait pour toi. Ça t'est pas arrivé de la saison. Et en fait, Teddy fait ses sujets sur des ardoises Velleda. Bah ouais. Donc là, pour le coup, il a effacé la moitié de son sujet. On va avoir des trous dans ce sujet. Alors... Ah, bah c'est alors, Teddy, on fait des conneries. Ça va être marrant. Alors, je vais vous parler de la série The Mandalorian. Bon, que j'ai regardé. Pas, on va essayer de combler les trous avec 2-3 bêtises. Non, c'est pas la série The Mandalorian, c'est la série The Manda. The Manda. Alors, si tu non, veux, parce qu'il n'a pas d'or, c'est pas l'or. Attendez, il y a encore plus drôle. Sur le conducteur de l'émission, en gros, qui indique à quelle heure on fait quel truc. Oui. Théo a écrit Teddy The Manda. Et Lauriane, le prénom. Bah... Oui, parce qu'on m'a dit c'est The Manda Lauriane. Donc j'ai écrit The Manda comme un mandat et Lauriane comme le prénom de la fille. Mais t'as fait une faute à Manda, t'as oublié le T. C'est vrai. Voilà, donc même dans ton raisonnement. Non, The Mandalorian, donc The Mandalorian, comment expliquer ça? Non, je vais pas parler de la série tout de suite. Je vais d'abord parler des trucs autour. D'abord, c'est sorti en novembre 2010. 2019. Ouais, c'est bien un 9, hein, c'est ça. Parce que, effectivement, mon ardoise est à moitié effacée. Je sens que la galère est là. Ouais, c'est pas faux. Elle a été créée et produite par Jon Favreau. Je sais pas si vous le connaissez. Bah, si. C'est possible que vous le connaissiez. Voisin. Il a joué dans Kaamelott. Il a pas joué dans Kaamelott. Non, par contre, en tant qu'acteur, il a pas beaucoup fait de rôle. C'est pas son plus gros taf. Lui, il a plus été réalisateur ou producteur. Je pensais qu'il était boulanger, le mec, et puis. Mais la question est, Jon Favreau, préfère-t-il les pains au chocolat ou les chocolatines? On pourra pas lui poser c'est la question. Forcément, les chocolats. Les pains au chocolat. Mais oui, forcément. Il a joué un petit rôle dans l'univers des Marvel. Il a joué dans les Iron Man, son garde du corps le plus proche, Happy. Je sais pas si vous voyez, si vous connaissez. Si. Ouais. Et ben dites-vous que lui, il a joué ce petit rôle-là, mais c'est lui qui a réalisé Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Il a réalisé les Avengers, il a réalisé Le Roi Lion, il a réalisé Le Loup de Wall Street. Réalisé ou produit ou créé. Hein. Toujours dans cette branche de supérieur. Hein, il est bon. Il est bon quand même. Il pèse lourd dans le game quand même un petit peu. Bah, quand on voit Happy, on comprend, il pèse lourd. Ouais, c'est vrai que c'est une belle bête. C'est un bon garde du corps. Donc ouais, quand tu vois son nom, en théorie, tu peux t'attendre à quelque chose d'assez grand, assez marquant du cinéma américain, clairement. Assez... Comment on peut dire ça? C'est très très vivant. Il y a... oui, Blockbuster. Parce que Avengers, ça a bien marché. C'est ça la chanson, Blockbuster. Ah non, je me trompe. Ah non, je me trompe, j'ai eu dans le poste. Donc bon, une pointure, et c'est lui qui a créé cette série, The Mandalorian. Il a été aidé, bien sûr, de plein de réalisateurs, notamment un que j'ai retenu parce que c'est peut-être mon préféré au final, Taika Waititi. Oh, le favoritisme. Ouais, clairement. Mais j'aime l'adore. Bien le nom. Ouais, ouais, moi aussi. Ça me rappelle le lac Titi Caca, tu vois. Oui, c'est pas. Ah, non, mais dans le même genre de truc que tu te rappelles alors que. Bah, je sais c'est pas normal si c'est, après Blockbuster. Taika Waititi. Super réalisateur et pour moi, il va devenir légendaire. Enfin, bref. À suivre, voilà. Donc, il a réalisé la série The Mandalorian avec comme acteur principal qui joue le rôle du Mandalorien. Je sais même plus son nom. John Favreau. Non, c'est pas lui. Je sais même plus son nom en vrai. Au Mandalorian. Ouais, je sais Mando, plus. Mando, je crois. Mando, ouais, c'est ça. C'est Mando. Ouais, c'est ça. Il est joué par Pedro Pascal. C'est pas très classe, ça, par contre. C'est lequel son prénom ? Hein ? C'est lequel son prénom ? C'est Pedro. C'est Pedro ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Ouais, je suis sûr. Tu lui as demandé ? Ouais. Ouais, clairement, c'est mon pote. Je lui ai demandé lorsqu'on faisait du théâtre ensemble à Broadway. Alors moi j'y étais pas, mais lui oui, il était parce qu'il cas... il l'a fait. Ouais, oui, bon, il était bon fait... au moins. Ouais, il était bon. Non, toi. Moi, ouais. Ah bah ouais. Dans le théâtre, t'as fait moi, quoi Moi, j'ai marché sur les planches de Broadway quand il y avait personne. Donc, pour te dire, c'est au level. Ouais, hein. C'était pour tasser le plancher. Ouais, c'est ça. Ah, c'est... Je me remettais les clous qui dépassaient. Il était. Dans une vie antérieure, il était testeur de plancher. Pour les connaisseurs, puis. Pedro et Pascal, il gueulait quand pas, les c'est... gens laissaient des miettes de pain au chocolat sur le plancher. Ah oui, parce qu'en plus c'était des miettes de pain au chocolat. pain au chocolat. Qu'est-ce que j'ai inventé comme. Bref, Pedro Pascal, si vous voyez pas qui c'est, il a joué dans Game of Thrones. Il a joué le rôle d'Oberyn Martell. Ça me dit rien, j'ai pas vu. Bah, moi non plus. Alors, là, peut-être contre, que tu as vu Mentaliste à la rigueur. Alors, j'ai pas vu Mentaliste. Raté. Bon, est-ce qu'il a joué dans MacGyver ? Non, parce non, que MacGyver, du coup, non. C'est passé. Il joue le rôle dans Mentaliste de Robin Tunney, le petit ami de Teresa Lisbonne. Oui, mais on a un petit problème parce que déguisé en Mandalorian, on peut pas le reconnaître. Hein. Effectivement, alors, dans toute. Ça, je voulais y venir après. Là, je présente les acteurs. Ah. Enfin, en fait, je vais en présenter que deux des acteurs de toute façon. Ouais, parce que les autres sont effacés. Les autres, je m'en fous. Bien sûr, avec deux. Non, mais c'est juste mes deux préférés. Non, ouais. C'est que les autres sont effacés. si, il joue un truc là, le truc le plus récent qu'il fait, qui est en production d'ailleurs, hein, qui n'est pas sorti. Ça a commencé en février 2021. Il joue le rôle de Joel Miller. Si vous connaissez, Jolan doit connaître. T'as joué à The Last of Us ? Oui. Ouais. Et ben le personnage principal s'appelle Joel Miller et oui, HBO bon. A décidé d'en faire une série, enfin il adapte le jeu en série et il joue le rôle principal. C'est cool. Oui, donc à voir hein, parce que The Last of Us c'est quand même un carton au niveau des jeux vidéo, donc une petite série là-dessus, c'est un peu comme la série The Witcher, ça peut marcher. Voilà. Si, il a joué aussi dans Wonder Woman 1984. Il a joué le grand méchant. Maxwell Lord. Ah, je croyais que t'allais nous dire il a joué Wonder. Il a pas joué Wonder Woman. Non, Gad Gadot, c'est Gad Gadot, c'est sacré, on n'y touche pas. D'ailleurs, je la préfère à Linda Carter, je crois qu'elle s'appelle, l'ancienne oui, Wonder Woman. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors, je préfère Gad Gadot. Bon, donc, il a quand même un beau palmarès, et à mon avis, ça va faire que grandir avec le temps. Voilà. Y a un autre personnage que je voulais vous parler de The Mandalorian, c'est Gina Carano. Alors, c'est le nom de l'actrice, attention, parce que dans The Mandalorian, elle s'appelle Cara Dune. C'est la fille baraquée. Comment dire, elle était au service de l'Empire, mais elle a démissionné, je crois. Ah bon, elle a démissionné. Ouais, parce que ça a saoulé, je crois. Genre, elle a le droit de démissionner dans l'Empire. T'as dit quoi, Kevin ? Je disais, attention, lettre de renvoi, carrément, là, par l'Empire. Ouais, c'est un peu ça. Pour faute grave ? Faute grave ? Non, je sais pas, mais... Faute mandalorienne ? Ah, c'est pas une mandalorienne, elle. C'est juste une grosse baraque. Mais elle pèse dans le game, hein, clairement, parce que, déjà, alors, rien que l'actrice, tu la vois, elle est carrée. Elle est carrée parce qu'elle a fait. Elle est pas carrée juste cubique. Hein. Ah oui, je pensais qu'elle avait des larges épaules, moi. Elle est large des épaules. Ouais. Ah aussi. Parce qu'elle a fait des sports de combat, elle a été championne de Muay Thai, elle a fait du MMA. Ouais, ça fait mal, hein. Ça pique ça généralement. Elle a fait du mannequinat. C'est déjà pas mal. C'est quoi comme sport de combat le mannequinat ? C'est un sport visuel. C'est pas un mal, sport pas de mal. Combat visuel. Ouais, c'est faut se battre avec les autres pour être la plus belle. Et pour ta gouverne, Daniel, le MMA, c'est un sport où il faut être bien assuré. pour pouvoir. Voilà. Chez MMA, effectivement. Fais pas de pub, hein. Parce que MMA, ouais, ouais. Tout est permis chez MMA. Par contre, faut savoir d'ailleurs, cette actrice-là, je l'aime beaucoup, mais en vrai, je crois que je la côtoierai pas. Hein. Parce que je l'aime peut-être dans un Mandalorian, mais elle a été virée de la série. Pour des propos un peu complotistes, pro-Trump. Ah ouais. Ouais. Donc bon. Moi je croyais qu'elle avait pété la gueule du réalisateur. Non mais elle aurait pu hein. Ouais, je pense qu'elle aurait pu péter la gueule à peu près tout le monde. Techniquement c'est faisable. Si elle est sortie avec Henry Cavill. J'ai parlé de The Witcher tout à l'heure, la série. C'est lui qui c'est joue pour The... ça, c'est pour ça que je ne vois plus Henry. C'est pour ça que tu vois plus Henry. Voilà, d'accord. Bah, elle est sortie que deux ans avec hein. Mais bon ouais, il est connu depuis oui. C'est lui notamment qui a joué Superman aussi. Il a joué un Superman. Il a joué comme j'ai dit The Witcher. Il joue Geralt de Rive, donc le personnage principal. C'est un acteur de science-fiction, on pourrait dire. Ouais, assez connu quand même. Il pèse dans le game. Mais bon, pour en revenir à The Mandalorian, je vous ai fait présenter les acteurs, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est The Mandalorian concrètement ? Donc, The Mandalorian, c'est un personnage principal, Mando, qui est un Mandalorien. Il a plus trop de planètes. Enfin, elle a pas explosé, hein, mais je crois que la guerre, il règne ou c'est fini. Non, ils ont été exterminés, je crois. Non. Ouais, c'est ça. Hein. Je me trompe pas. Parce qu'on le voit pas avant. En fait, il est déjà pas sur sa planète. Nous, on le voit comme un voyageur, tout seul. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. J'attends sa confirmation. De... Non, ouais, j'ai bien remarqué que t'attendais. Je me méfie de ce que je dis. Non, non, Théo, c'est pas ta confirmation qu'il attendait. Non, non, à Kevin, j'ai bien compris. J'étais en train de réfléchir en plus après si c'était parce que Mandalorian avait été... Mais la planète avait été détruite ou pas ? Détruite, je sais pas si elle a été... Non, je crois pas qu'elle a été détruite, mais ils ont été exterminés un peu. Et il y a plein de clans qui se sont formés sur d'autres planètes. Notamment lui, il faisait partie d'un clan qui s'appelait le truc de l'acier, je sais plus comment ils appelaient. Enfin, ils avaient des petites familles comme ça. Et ils avaient des règles chez Mandalorian, comme quoi par exemple, fallait pas enlever son casque. Oui. Fallait jamais montrer son visage, même pour. C'est comme à la radio, faut pas enlever le casque. Hein. Oui. Techniquement, oui. Mais à la radio, c'est moins grave parce que si t'enlèves ton casque en tant que Mandalorien ou si on te l'enlève, bah c'est un déshonneur et t'es plus Mandalorien en fait. Hein, est-ce qu'il y avait un rapport de famille avec les Daft Punk ? Peut-être que les Daft Punk étaient des Mandaloriens. C'est une théorie. Moi je lance c'est une théorie. Voilà. C'est une théorie. Je lance un nouveau complot. Après, ils ont aussi une autre particularité, les Mandaloriens, parce que c'est des humains de base. Hein. Enfin, ils ressemblent quand même à des humains. Mais ils ont cette règle du casque et ils ont toujours une armure sur eux, théoriquement. Fait en... J'allais dire en Kevlar, mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas du Kevlar, non, mais... c'est un métal très spécial qui résiste au sabre laser. Comment il s'appelle ce métal, Kevin ? Non, mais par contre, je vais répondre à une question. Les Mandalorians, je sais qui c'est. T'as dit, ils ont pas le droit d'enlever les casques. Hein. C'est les Daft Punk. Ah, c'est... Non, il y a pas que. Il y a pas que ? Il y a les catcheurs mexicains aussi. Rey Mysterio. Voilà, ils ont pas le droit non plus d'enlever les masques. Hein. Eh ben, c'est pas faux. Ah, alors. Il est pas très beau d'ailleurs. c'est très méchant. Mais oui, effectivement. Donc, ils ont un métal spécial qui permet, entre guillemets, qui résiste au sabre laser. Mais si, qui il résiste. Diminue. Hein ? Qui diminue, non ? Qui diminue, ouais. C'est pour ça d'ailleurs, ils se sont même fait la guerre avec les Jedi, je crois, il y a longtemps. Oui, les Mandaloriens. Plusieurs reprises, même, ça a toujours été Jedi, Mandalorian. C'est la deuxième guerre après Jedi et Sith. C'est un peuple très fier et très, très guerrier, hein, très c'est combatif. Un peuple guerrier. Ouais. Donc, bon, ils ont des jetpacks, ils ont des lance-roquettes, ils ont plein de gadgets sur leur armure. C'est génial. Donc, bon, Mando, il a tout ça. Il fait des petites missions, c'est un peu un genre de mercenaire. Voilà. Et l'une de ses missions, on va pas dire qu'elle va tourner mal, mais bon, il va trouver une petite créature lors d'une mission. Et en fait, il doit la récupérer et la donner à la personne qui a confié la mission. Et au final, il va pas le faire. Je sais pas si c'est un truc pour les fans, hein, clairement, mais la petite créature, c'est un mini Yoda, hein, clairement. Un baby Yoda, comme on l'appelait avant de savoir son nom. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, on va pas le dire. Mais bon, on va l'appeler baby Yoda pour être plus simple. Donc il va trouver un baby Yoda et il va décider de pas le livrer finalement. Il va le garder parce qu'il va voir. Ouais, il va l'adopter. Ouais, j'aime beaucoup. Il va pas le livrer. Il se prend pour une cigogne ou. Bah ouais, hein, techniquement. Il a été embauché pour aller le chercher et le ramener et comment dire, son missionnaire c'est un gars de l'Empire parce que l'Empire a gagné. Ça se passe 5 ans après. J'ai oublié de le noter de toute façon. Donc pourquoi je regarde mon adresse ? Donc je reprends. Voilà. Oui, c'est le passé. Voilà, donc, ça se reprend. Enfin, c'est 5 ans après. Voilà. C'est oui, ça. C'est 5 ans après, mais après quoi ? Bonne question. Le problème, oui, comme disait Kevin. 5 ans c'est peut-être passé. Après BY. Battle of Yavin. Ouais, yes. C'est ça. Bah oui, si. Parce ou que toute manière, ça fait bail. Salut. C'est pendant que la résistance affronte l'Empire, donc c'est dans ces eaux-là, de toute façon. Et c'est forcément après, oui. Ouais. Donc c'est 5 ans après, donc il fait ses missions et il a son bébé Yoda. Il voit qu'il a des pouvoirs un peu spéciaux. Il comprend pas ce que c'est parce qu'il connaît pas la force. Il a jamais dû affronter Jedi, je crois. Non, il en a jamais affronté. Ouais, s'il connaît pas, je te confirme. Ils ont été exterminés, ouais. Donc bon, il les connaît pas. Donc il va décider de garder l'enfant avec lui et il va essayer de trouver une place à cet enfant parce qu'il garde avec lui, mais il veut pas le garder en fait. C'est bizarre comme concept, mais en gros, il l'a avec lui jusqu'à temps qu'il trouve un lieu pour vivre. Donc il cherche sa planète d'origine, de base, il cherche aussi les siens, parce qu'il a des pouvoirs bizarres. Il va découvrir plus tard que c'est un Jedi, un futur Jedi, ce petit baby Yoda. Et il va chercher des Jedi, le problème c'est que les Jedi, bah voilà, hein, ils ont été un peu mourus. L'Ordre 66 est passé par là. Voilà, donc l'Ordre 66, pour les non-initiés, n'est-ce pas Théo? L'Ordre 66, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Je suis initié depuis 2020. Depuis 21h. Avant la bataille... Oui, c'est vrai. Avant la bataille Yavin, comment dire, les Jedi, ils se battaient contre l'Empire. Enfin, contre le truc du commerce, là. Non, contre les séparatistes. Contre les séparatistes, voilà. Et bon, ils étaient un peu dans la merde et tout ça. Et apparemment, pouf, une armée a été commandée de je ne sais où. Soi-disant, c'est un Jedi qui est mort qui a commandé ça. C'était Qui-Gon Jinn, d'ailleurs. Non, Sifo-Dyas. Ah, Sifo-Dyas, pardon. Autant pour moi. Ouais, mais Qui-Gon Jinn, c'est lui qui avait des doutes sur lui, c'est ça. Qui-Gon avait des doutes et Qui-Gon avait également des doutes sur d'autres personnages tels que le chancelier, notamment. Ouais, mais Qui-Gon est mort. Donc les doutes sont morts aussi avec lui. Les doutes sont morts avec. Mais il a pu transmettre certaines choses à Obi-Wan parce que Qui-Gon c'était un peu le maître de... Enfin, c'était le maître d'Obi-Wan. Le maître. Même pas qu'un peu, hein. Ouais, et... un peu beaucoup, oui. Ouais, un peu beaucoup, clairement. Voilà. Donc bon, ils ont reçu cette armée de clones. Et j'avais une question. Arrivé nulle part. Est-ce qu'on sait pourquoi Obi-Wan Kenobi a une épée verte? Non, on sait pas. Qui-Gon Jinn, pardon. Si, si, on sait, mais. Si, c'était sabre vert. Ouais. Et Obi-Wan, c'est bleu. C'est bleu, oui. Oui, ouais. Bleu, ouais. Chez Jolan. Crochet. Crochet dans ta gueule. D'ailleurs, vert, sabre... c'est sagesse. Et bleu, c'est. Je sais plus quoi. Alors, le sabre vert, c'est ceux qui vont préférer la parole à l'action. Toujours. Et les autres, c'est l'action à la parole. Et l'autre, c'est les défenseurs de l'ordre. Ouais, c'est pour dire l'action à la place de la parole. Ouais, c'est des CRS, quoi. Ouais, clairement. Je représente le bien, mais je te tue. C'est alors que la parole, tu vois, c'est vert, c'est comme Indestar. Ouais, c'est vrai. On est la sagesse. Oh. Bah, on est la radio qui parle, en tout cas. C'est pas faux. Donc, bref, l'alliance. Enfin, les Jedi vont recevoir une armée venue d'un peu de nulle part, hein, des clones. Hein, des clones. Donc, c'est cool. Ils sont en train de gagner la guerre contre les séparatistes. Mais paf! L'ordre, le fameux Ordre 66, parce qu'en fait, cette armée de clones, ça a été, on va dire, commandité par les séparatistes. C'était un piège, en fait. Ils leur ont donné confiance et comme ça, ils ont pu massacrer tous les Jedi dans leur dos. L'Ordre 66 a été activé. C'est une puce un peu dans les clones, enfin dans la tête des clones, il y a eu que... qui a été activée et ils se sont retournés contre les Jedi. Il y a eu que quelques rares exceptions où les Jedi ont pu se débarrasser de leurs clones. Oui, parce que ça reste des clones quand même. C'est pas très efficace. Notamment Obi-Wan et Yoda qu'on voit plus tard. Il y a certains Jedi qui ont échappé à cette fameux Ordre 66. Mais ils sont pas beaucoup. Donc bon. Non, ils se comptent sur les deux mains. Donc je sais plus où j'en étais dans le... T'en étais à l'armée de clones. L'armée de clones, ouais. Ah bah oui, voilà. Donc il devait récupérer pour l'Empire le bébé. Donc non, il va pas le faire. Il va chercher un lieu pour lui. Il va rencontrer des personnages, notamment Cara Dune, une ancienne de l'Empire. Il va rencontrer d'autres gens. Il va faire plein de missions. Il va se balader, hein. C'est souvent... Chaque épisode commence souvent par une arrivée sur une planète dans The Mandalorian. Et bon, bah il arrive une couille, clairement. Ça y arrive assez souvent des couilles. Genre, des fois, il va perdre. Je sais pas, non, je vais pas dire un morceau d'armure, ça arrive pas. Mais par exemple, il va arriver sur Tatooine à un moment. Il va voir, tu sais, les petites créatures des sables, les hommes sables. Oui, c'est ça. Et les hommes des sables, oui. Ouais. Et il va avoir des petits problèmes avec eux, par exemple. Alors, en même temps, tout le monde a eu des problèmes avec eux. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas les meilleurs amis au monde, hein, clairement. Même entre eux, ils se font des problèmes, donc. Ouais. Il va même rencontrer aussi par moment Booba. Booba qui... Le rappeur Hein? Le rappeur? Non, pas le rappeur, c'est Booba Fit. Booba, non? Ah, ouais, Booba Fit, ouais, Booba, ouais. Il va rencontrer Booba, ouais. C'est Octogone direct. Hein. Il va rencontrer Booba parce que Booba, lui aussi, est un Mandalorien pour le coup. Enfin, un clone de Mandalorien. Un clone de Mandalorien. Et il veut récupérer l'armure de son père qui, lui, est un pur Mandalorien. Et il la cherche et du coup ils vont faire un petit partenariat très sympathique ensemble, c'est cool. Ouais, on adore. Ouais, 25-25 et c'est bon, c'est parti le partenariat. Voilà. Il va faire face aussi à des chasseurs de primes parce que bah il va déserter un peu sa brigade de mercenaires, on va dire. Hein. À peu près, hein, c'est à peu près ça. Donc c'est cool. Pendant la première saison, tu vois pas du tout son visage. Tu sais pas à quoi il ressemble le gars, hein. Tu vois que son casque. C'est un peu perturbant d'ailleurs parce que tu vois pas d'émotion au final. Ça doit pas être évident en vrai à jouer comme personnage. Un personnage sans le visage, ça doit pas être évident. Ça dépend s'il fait chaud ou pas sur le plateau. Sur le plateau, ouais, c'est pas faux. Et ouais. Mais je sais pas pour transmettre des choses parce qu'on transmet beaucoup de choses avec nos visages. Donc un acteur, bah, ça sait jouer là-dessus clairement. Mais là, il a pas besoin. Hein. C'est clairement. Bah, ils font comme nous avec la voix. Hein. Avec la voix, voilà. Avec les gestes, la mimique. Il est toujours carré, il est toujours droit et assez. Bah, dis donc, tout le monde est carré là-dedans. Lui qui est carré, la bonne femme qui est carré. Ouais, mais lui il est carré dans sa tête. La bonne femme elle est carrée physiquement sur vous. Ah. Ouais, c'est pas pareil. La même chose, hein. Ouais. Et, par contre, à la fin de la saison 1, on le voit enlever son casque. Et c'est la première fois qu'on voit la tête de l'acteur, du coup. Waouh, moi ça m'a impressionné. Enfin, j'ai adoré voir ça, je me suis dit, oh putain, il a eu son casque, c'est cool! Après, tu revois plus. Non, si, parce que t'as deux saisons de 16 épisodes chacun, si je me trompe pas. Donc la deuxième saison, après, je sais plus ce qu'il fait dans la deuxième. Bah, il fait d'autres missions encore, hein. Il cherche toujours à refourguer son bébé. Hein. Jusqu'à la fin de la deuxième saison où il va le refourguer à quelqu'un. Je n'ai pas le droit de spoiler, mais. Qu'est-ce qu'il refourgue quand même... quelqu'un à sa tête? Non, il refourgue bébé Yoda. Ah. Il a enfin trouvé une place dans ce monde. Il a trouvé un Jedi. Mais lequel? Qui? Vous le saurez. Est-il un méchant? Est-il un gentil? Non, je sais pas. Mais si, c'est un gentil, mais. Si c'est un Jedi, c'est forcément c'est un gentil. C'est forcément un gentil. Ah. Donc, je vous laisse regarder, comme ça vous pourrez voir qui c'est. Vous le connaissez en théorie, hein. C'est assez facile. Ça commence par un. Voilà, et ça finit par. Je ne le dirai pas. Voilà. Alors, si vous êtes pressé de savoir, allez directement au dernier épisode. Ouais. En sachant qu'aussi, dans la saison 2, je crois qu'on voit un de mes personnages préférés de l'univers Star Wars, Ahsoka Tano. J'ai kiffé ce moment. Putain, j'attendais. Il est japonais, lui, non? Non, elle. Elle, pardon. Ouais. Non, non, Ahsoka Tano, c'est la classe incarnée pour moi, c'est the best de the best. Mais d'ailleurs, bon. En parlant d'Ahsoka, est-ce que tu sais comment elle a eu ses sabres laser blancs? Alors c'est quel cristaux, comment on les a récupérés? Ils se sont purifiés tout seuls? Non. Non. Comment on les a eu ces cristaux blancs? Je sais plus. C'était le sabre de base, c'était le sabre d'un inquisiteur. Ouais. Dont elle a tué, on va dire. Ouais. Et ouais. Elle a récupéré les cristaux, elle les a purifiés. Ce ouais, qui fait ça. Quand le cristal est purifié, il prend cette couleur blanche. Ouais, putain, j'étais pas loin. Je savais que c'était un truc du genre, hein, mais je m'en rappelais plus. Je suis pas assez fan. pas à ce point-là. Mais bon, d'accord. Ouais, et c'est la seule à ma connaissance qui a un sabre blanc. Alors, il y a eu d'autres Jedi dans l'univers étendu. Il y a eu d'autres Jedi. Ouais, mais c'est la meilleure. Moi, je m'en fous, c'est la meilleure. Ah, après, c'est la préférée à Teddy. C'est la première. C'est la première qu'on voit à l'écran, donc forcément, même s'il nous en montre d'autres, il y aura l'impact. Ça a été la première. Ouais. Bah, il n'y a pas aussi dans Rebelle. Non, il va pas avoir un sabre blanc, le petit jeune. J'ai oublié son nom. Ezra, ouais. Non, c'est. Non, c'est vert. Ouais, c'est vert qu'il a. C'est vert. Enfin, il change, il a même un pistolet blaster. Ouais, il s'amuse. Mais ça a été le bouche trop, lui. Ouais, c'est clair. La violence. Bon, voilà, The Mandalorian. En tout cas, c'est une série que je recommande à 100%, que vous soyez fan de Star Wars ou pas, en vrai. Compris, si Théo pas... Ouais. Mais Théo. Non, alors, mais bien sûr, évidemment. Qu'il soit fan de Star Wars ou pas, ça va pas être son truc. La science-fiction, là, c'est déjà trop. Il aime bien science. Fiction, ça peut aller, mais. Mais pas ensemble. Voilà. Il a pas trouvé la colle. Ouais. The Mandalorian, c'est une série que vous pouvez détacher de l'univers Star Wars parce qu'il a sa propre histoire un petit peu. Même si ça fait partie de l'univers, hein, clairement, il y a plein d'éléments de l'univers Star Wars. Mais vous pouvez la regarder autrement. Sans trop connaître. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une bonne série à elle toute seule. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Après la bonne série, il y a une autre bonne série, si j'ai bien compris. Après une série, il y a toujours une autre bonne série. Je sais pas, on va parler de quoi après? Bonne question. Des sites qui ont basculé dans la lumière. Oui. Ah oui, ils ont vu de la lumière, du coup ils sont rentrés. Ah, c'est ça. Et puis ils ont vu une porte grande ouverte, ils se sont dit, ah ça peut être sympa, bon bah on va y aller. J'y vais, il y a des cookies. Puis je crois qu'on ira voir, par exemple. Je crois qu'on ira voir où sont partis Yoda. Oui, on va voir s'ils ont atterri sur Naboo. Parce qu'apparemment ils ont écrasé quelqu'un. Ouais. Donc ça, on va voir ça après Moon of Atlantis. Apparemment, on vérifie d'abord la formation, savoir s'ils ont bien écrasé quelqu'un quand même. Ouais. Bah ouais. Ça, on va bien le voir. Mais bon, en attendant, on va écouter le titre Moonlight de Moon of Atlantis, qui est passé d'ailleurs, une des stars. Hein, et donc, un artiste qu'on adore et qui peut revenir quand il veut. 21h, c'est l'émission à la maison sur une des stars. Eh oui, vous êtes encore sur Indestar. Toujours. Eh oui, bien sûr, parce que vous aimez ça. Et vous aimez tellement ça que vous allez nous écouter en podcast tout de suite après cette émission. On boucle l'émission Star Wars. Exactement. Pour donc, bien comprendre de quoi il s'agit. Une émission Star Wars, on en fait presque une par an, en vrai. Donc, si vous voulez, vous pouvez même retrouver celle de l'année dernière sur Indestar. C'est ma première. C'est ta première Star Wars. Qui avait duré plus de 2h30, je crois. Qui a duré plus de 2h30, ouais, effectivement. Donc, on s'amuse bien lors de cette, lors de ces émissions Star Wars, hein, clairement. Si je me rappelle bien, dans la dernière, on avait fait un petit jeu de rôle. Ouais. Donc, on avait tué pas mal de gens, au final. Ouais, ouais. J'avais il en restait deux à la fin. J'avais interprété le rôle de Dark Loser. Oui, Dark Loser qui est mort très vite. Hein. Je me souviens d'un coup de pied d'une créature, d'ailleurs. Oui. Qui m'avait fait très mal. Donc, pour pas changer une équipe qui gagne, cette année, on fait un jeu de rôle, quoi. Cette année, on fait un jeu de rôle, ouais, mais sans lancer de dés cette fois-ci. Là, ouais. C'est plus de l'improvisation, ouais. Une histoire improvisée. Absolument. Alors, rappelle-nous un petit peu ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Précédemment. Daniel. Précédemment dans Prison Break. Non. Star Wars, Indestar, assure. C'est le titre de l'épisode. D'accord, oui. Ouais, on... préciser parce que ça me paraissait important. Hein. Voilà. Juste pour. Donc, alors, oui. Y a pas un truc qui vous perturbe. On parle de Star Wars. Vous écoutez le bed là, la petite musique de fond. Oui, c'est. Vous rendez compte que ça, ça colle pas du tout. Tu veux que je change, mais je. Ouais, mais le prochain. Ouais. Le prochain, il est bien. Voilà. D'accord. Star Wars un peu rock. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux Wars. Là. C'est mieux, hein. Rock and Wars. Rock and Wars. Rock Wars. Il y a Yoda qui a trouvé un livre qui l'a amené sur Naboo. Sur okay. Naboo. Ouais, alors en fait, je reprends. Donc Yoda a ressenti de violents à-coups qu'il ne connaissait pas et qui, dans la force, ça l'a perturbé. Il a été à la médiathèque, parce qu'ils ont une médiathèque hein, quand même. Hein. Mmh. Oui. Ah, ils n'ont pas que des archives. Bien qu'il y ait des archives dans la médiathèque. Et des toilettes. François Mitterrand. Voilà. Et en fouillant dans ses archives, grâce à la force, parce que comme ça a été plus vite. Ils sont tombés sur le rapport de la bataille, de la bagarre entre Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn d'un côté, Dark Maul de l'autre. C'était, comme ils disent dans le catch, un match handicap. Hein ? Donc, ils ont trouvé ça. Ça s'est passé sur Naboo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un vaisseau spatial, le Faucon en centenaire. Ouais. Ils ont été sur Naboo. Et ils ont été sur Naboo. Donc, Obi-Wan, Kenobi, Yoda, Anakin Skywalker arrivent sur Naboo. Et ils sont reçus par la reine des lieux. Ah, je précise, hein, c'est vrai, ils ont écrasé quelqu'un. Non, mais ça va pas. Oui. Mais on pose pas son vaisseau comme ça. Vous avez écrasé Jar Jar. Non, mais on l'envoie à l'hôpital. Hein. Excusez-nous, votre Altesse. Il est écrasé, mais on l'envoie à l'hôpital. Anakin. Donc, comment vas-tu? Vous l'aurez compris. Ça hein. va, et vous? Oh, mais... Jar Jar est maladroit, faut le rappeler. Ah, moi aussi. Ah. Mais... Donc, maintenant qu'ils se sont retrouvés, les deux amoureux là, qui sont pas encore, mais ils vont y être plus tard. Hein, en quelle fait, est hein. la raison de votre revenu? Mais faut pas le dire, faut que ça reste secret. Ah, ah bon, alors j'ai rien dit. Ils se connaissent pas encore, et ils font une découverte. Une petite légende. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, donc, c'est perturbant. Donc, notre Jedi, quelle est la raison de votre venu? Donc, alors, les Jedi vont expliquer. Bah voilà pourquoi ils viennent. Hein. J'ai rien d'autre à dire. Hein. La force! Guidé vers le livre m'a mené. Je comprends pas en fait un mot de ce qu'il dit. Le livre Bataille One Kenobi Dark Maul. Monsieur Maître Obi-Wan. Sur cette planète m'a amené. Oui, je vous écoute. C'est la mission. Pas. Maître Yoda a bu de l'alcool. Non, du tout. Il est très sobre. Il est très sobre, d'accord. Et du coup, Maître Yoda, vous me dites qu'il y a un livre vous a mené sur Naboo. Dans quel non. but? Non. Parce qu'en fait, avons eu un combat avec mon ancien maître Qui-Gon Jinn sur Naboo. Oui, vous et votre maître, quand vous avez fait aujourd'hui. Le combat. Oui, ah bah oui, oui. C'était un sacré combat. Hein. Ah, j'ai tout vu sur ma télé 4K, c'était génial. Sur cette planète, nous sommes allés pour percer le secret. Ah, donc vous avez besoin d'accéder à ma bibliothèque personnelle. Votre personnelle bibliothèque nous est importante. D'accord, et ben suivez-moi. Donc c'est par ici. Faut prendre 300 mètres tout droit et après tourner à gauche. Et après, au deuxième couloir, il faut tourner à droite. Après, bien sûr, vous faites le tour du rond-point dans le sens inverse et vous tournez à la troisième à droite. Il y a des ronds-points. J'ai tourné à la troisième à droite avant de prendre le rond-point. Mais vous n'êtes pas censé être guidé par la force ? Ah, par la force, je suis guidé. Oui, mais même la force, elle a pas compris, hein. Il y a une petite perturbation dans la force, apparemment. Votre Altesse, excusez-nous, mais c'est pas très logique, votre parcours, quand même. Je propose que Padmé les guide. Oui, bah oui, mais suivez-moi, mais bien sûr, mais je comptais venir avec vous. C'est vrai, hein. Mais bon, je voulais m'occuper de Jar Jar, je voulais voir s'il était bien à l'hôpital. Mais apparemment, on m'a dit qu'il était bien dans mon oreillette, donc c'est bon. Donc, allons à la bibliothèque personnelle, évidemment. Donc, vous trouverez tout ce que vous avez les besoin, les bibliothèques, j'adore. Vous adorez les bibliothèques? Ah, bah, vous allez être servi. Elle est très, très grande, la mienne. Regardez. Là, il y a tous les livres bleus. Là, tous les livres rouges. C'est très bien rangé. C'est rangé par ordre alphabétique. Donc, si vous pouvez prendre les livres et sans les déranger, ce serait bien. Et par couleur. Pas que et par couleur. Et votre Altesse, ouais. À quoi servent les couleurs bleues et rouges? C'est comme les pilules. Bah ouais. Il y en a pourquoi pour le matin et d'autres pour le soir. Mais on sait pas pourquoi on a mis des protèges bleus à des livres et d'autres rouges. Mais bon, au moins ils sont bien triés quoi. C'est bon. Joli, c'est tout. Oui, voilà, c'est d'accord, ça. D'accord, votre Altesse. C'est... Après, on a quelques-uns là, ils sont jaunes, mais bon, on s'en fout. Que vous dit la force, maître. De quoi? Je disais que vous dit la force, maître Yoda. Ah oui, bah c'est pas moi. Là. Me dit la force que me dit la force je sais pas. Je fais pas la force moindre qui idée parle. J'ai ah je la... fais la force qui parle. La force te rappelle qu'elle t'a guidé sur Naboo parce que il a dû se passer quelque chose qui n'est pas noté sur le rapport oui. De combat entre Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn d'un côté, Dark Maul de l'autre. J'ai une suggestion. Et on sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon, voilà. D'accord, j'avoue, oui, ce qui n'est pas mis sur votre rapport, c'est que c'est moi qui ai été cassé le blocus. Bon, d'accord, j'avoue. Ah. T'as cassé la gueule à qui? Au blocus. Ah. Ah non, c'était pas de ça? C'était pas le mur de Berlin. Okay. Mais maître Yoda, je vous conseille d'utiliser la force pour trouver le livre que vous recherchez. Oui, parce oui. Que, encore une fois, vous recherchez un livre. Hein. Le livre, où est-il? Force, dis-le-moi. Ah, ça marche pas du tout, votre truc. Hein. Ça fait que du vent. Mais... Ah si, ça marchait. Déjà pas mal. Je crois que le livre est tombé de son rayon. Ah, voici. Mais c'est génial. Le livre, le voici. Ah, j'espère merci. Que votre plancher était propre, votre Altesse. Mon plancher? Ah oh ouais, on s'en branle. J'enverrai Jar Jar le nettoyer. Alors, le livre, vous voulez que je vous le lise, c'est ça? Vous voulez savoir ce qu'il contient? Lire, je lis à l'envers, ça m'arrange. Ah, mais vous êtes japonais! Il fallait le dire. Qu'on est chaud, hein. Alors, dans ce livre... il y a d'autres rapports. Mon Dieu, mais comme c'est intéressant. On fait que ça depuis le... Bibliothèque et rapport depuis le début, oui. Nous se faisons. Il se trouve qu'il y a eu un incident le jour du combat, ou pas loin après. Ouais, quelques jours après. En fait, il y a un vaisseau qui a décollé sans permission, avec des paquets à ordures dedans, qui ont été volés d'ailleurs. Poubelle jaune ou poubelle bleue grise? Bah, je crois que c'était nos poubelles jaunes qui ont été volées. Je m'en rappelle à l'instant. C'était le recyclable alors. Ouais, ils sont partis sans autorisation. Ils nous ont piqué nos poubelles et un vaisseau quand même. C'est pas cool. Ça m'a fait de la retrouver. Je vous invite, suivez-moi, on va aller dans les salles. Dans la salle d'opération. On pourra retracer leur chemin et voir leur direction. Fou rire, il y a dans l'équipe. Fou rire, il y a dans l'équipe. La force est en fou rire. Ah bon? Ah bah c'est sympa, j'essaie de vous aider et vous rigolez. Ah bah voilà, c'est génial. Hein. Non mais. Vous avez pas honte, hein? M'aider, la force ne peut pas en ces temps présents. Ouais, mais c'est pas grave. Nous, notre système informatique pourra vous aider. Hein. C'est pas grave si la force ne peut pas, parce que maintenant tout est dans les archives, les documents, les rapports à Padmé. Bah oui. J'espère que votre système informatique ne peut pas avoir de fou rire. Non, théoriquement, ça devrait marcher. Obi-Wan vient de vous parler. Hein? Je disais, c'est la mouille à l'heure. Ça bug un peu. Je pleure de rire. Ça vous ressemble pas, maître Obi-Wan? Mais bon, c'est pas grave. Désolé. Attendez, j'allume la machine. Maître, vous êtes bordel en train de pleurer? Ça marche, ça y est. Alors, je pleure de rire, de joie. Oh putain, ça date de longtemps, ça. Normal, c'est un vieux rapport. Ah, c'est ce vaisseau-là, je crois. Mmh. Alors, il part, et il va vers une planète... je connais pas très bien, ça s'appelle Datomir. Vous connaissez, maître Yoda? Datomir, je connais, j'ai entendu parler planète. Mais ça me revient. Ça serait pas la planète qui sont... Comment dire? Une planète assez noire ou qui a une secte chelou? Tout à fait. Ouais, j'avais lu ça dans notre livre. Ouais, il y a une secte de mer. De mer? Ouais, je crois que c'est les mers de la nuit en plus. C'est pas con, hein. Ah. J'en ai là-dedans. Mais d'ailleurs, si ça vous dérange pas, j'aimerais vous accompagner. Parce que j'aimerais bien enquêter moi aussi, hein. Parce que pas mon vaisseau plus mes poubelles, quoi, merde. J'ai envie de la retrouver. Comprends, je vous comprenez aussi. Votre Altesse, ça risque d'être dangereux quand même. Mais vous serez là pour me protéger, jeune Padawan. Que oui, ne ferions-nous pas Altesse pour une poubelle jaune? Bah oui. Donc, vous l'auriez compris. Comme nous sommes écroulés de rire, nous allons simplifier les choses. Obi-Wan, Yoda, Anakin, et accompagné de Padmé et de la fidèle servante de Padmé qui s'appelle Sabé, mais vous ne l'entendrez pas, vont prendre un autre vaisseau qu'ils ne vont pas piquer pour rechercher la poubelle jaune. Oui. Sur Datomir. Ouais, mais ça, est-ce qu'on le verra tout de suite? Ou est-ce qu'on fait... Nous le verrons dans le prochain épisode. La suite après la pub. La suite après la pub. Sans pub. Non, oui, la suite après la pub sans pub. Par contre, il y a de la musique. Ça, oui, c'est cool. Donc, nous avons Mash Mike. Où est-ce que tu vois ça? De venir sur Datomir avec nous ou pas, Mash Mike? Ah bah moi, je vois ça sur là. Non, faut pas regarder là. Non. Ah bah, je vais regarder là-haut. Ah bah, c'est... On a parlé tout à l'heure de la marche de Impérial, la musique de Star Wars, enfin, musique emblématique, repris par DJ Zebra et avec Joystar dessus. Donc, c'est un bootleg. On va écouter ça maintenant, je crois. Hein. Eh ben écoute, ça me paraît pas mal. Hein. Quand tu veux. Eh ben vas-y. Bootleg donc entre ces deux magnifiques artistes, ouais, que sont Joe Star et du coup Star Wars. Écoute ce que ça donne. Parce qu'on est con. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Et même plus encore. Ouais, clairement parce que là, bah on a déjà dépassé. Hein, clairement. Vous connaissez la chanson. On est sur Indestar. On dépasse. C'est 21h minuit à peu près. Hein, clairement. Et encore plus là cette fois-ci parce que c'est une spéciale Star Wars. On a fait une bonne partie de notre histoire. Je crois que on a une équipe. Je crois que je suis complètement perdu. Ouais, on a une équipe de Maître Yoda, Anakin, Obi-Wan, Padmé et Sabé. Sabé qui parlera pas. Juste là, c'est la doublure de Padmé. Hein. Ouais. Bah ils sont partis en voyage, c'est ça, pour Datomir. Datomir, voilà, c'est ça, qui est une planète où ce sont des femmes qui règnent, qui font la loi et qui n'acceptent pas les hommes. D'accord. Voilà. Bon bah, et si on reprenait l'histoire? ça a l'air fun, hein. Donc, je récapitule. Yoda a ressenti des choses pas normales dans la Force. Il a été dans la médiathèque du Temple Jedi, a consulté les archives, et la Force a dit aux archives, il faut envoyer... Non, elle n'a pas dit aux archives, pardon... La Force est intervenue, a montré le rapport du combat entre Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn et Dark Maul. Et donc, en voyant ça, ils sont partis sur Naboo. Sur Naboo, ils ont rencontré Padmé, qui s'est lamenté de ne plus voir sa poubelle. Ça, j'ai compris. Et un vaisseau. Et un vaisseau. Voilà. Un vaisseau d'ordure. Hein, mais... ouais, non, mais ce qui m'a marqué, c'est la poubelle jaune. Parce que je me suis dit, même dans Star Wars, ils font du recyclage. Ouais, c'est bien. C'est quand même bien. Hein. Donc, voilà. Ils sont partis sur Datomir. Mais Datomir, ce n'est ni Coruscant, ni Naboo. Ça va se passer différemment. Car le gang de femmes des Sœurs de la Nuit qui règne en maîtresse, tiens, j'étais en train de chercher, mais ça va très bien. Qui règne en maîtresse, oui, c'est ça. Ouais. Hein? Les sœurs ont une chef qu'ils appellent la mère. Ils ont pas l'air très accueillants. Ah oui, ils sont pas accueillants. Non. Donc la mère, qui s'appelle Talzin, nous accueille. va recevoir les visiteurs Et inutile de vous dire que, bah, comme les hommes sont pas les bienvenus, ça va être... Show the night. Ouais. Vont-elles se bastonner, Padmé et Talzin? Je n'en sais rien. Cool. La suite dans cet épisode. Padmé. Le vaisseau vient d'arriver. Ah. Hein. Oui, par contre, je précise une chose. Hein. Comme il n'y a pas de good guy sur Datomir, normalement, ils doivent écraser personne en atterrissant. Ça, c'est cool. Réussi atterrissage. Heureux nous sommes. Padmé. Oui, maître Yoda. Toi, envoyé là-bas. Ah, c'est pas un peu dangereux? Je le sens pas. Hein. Si, si. Mais ah, nous pouvons pas. Ah bon? Donc toi, allez là-bas et nous te guider avec la force. D'accord. Parce que la force toujours présente. Ah, bah si la force est là. Hein. Bon, bah j'y vais. Hein. Je prends quand même un petit blaster. Hein, parce que... ouais, ouais, et je suis gomme. Oui, merci mon jeune Anakin. Toi, oui. Je sens que je vais te pécho un jour. Je précise une chose. Avant de descendre du vaisseau, Padmé fait un repas pour prendre des forces. Ah, faudrait peut-être que je mange avant. Oui, oui. Yaourt 0% en frigo. Yaourt 0%? Ah, bon, c'est sympa de penser à ma ligne. Je suis bien comme je suis, hein. J'aurais pu manger Nos amis pour la vie sont les produits laitiers. C'est beau cette formule magique. Je vais manger votre yaourt, maître Yoda. Merci, maître Yoda. Vous êtes bien aimable, maître Yoda. Rien de... Et d'ailleurs, comme Padmé est pressée, elle sort en courant du vaisseau en tenant son yaourt et en le mangeant jusqu'en arrivant devant... Avec le doigt. Bonjour, madame. Alors, je suis Padmé, reine de... merde, de Naboo. Oh, j'avais oublié, excusez-moi, c'est le yaourt. C'est bon. Eh, il est pas mauvais quand même. Vous voulez goûter? Non, c'est bon, je partage c'est pas. C'est quoi ce que vous tenez à la main, là, cette espèce de pot là que vous mangez? Alors, c'est un yaourt Taïfine, 0%. C'est un ami... 0% d'homme? 0% d'homme, ouais. Ah, ça doit être bien, alors. Est-ce que vous voulez qu'on partage? Ah, je veux bien goûter. Ah bah, tenez, ah, bah, au moins, on peut faire copain-copain. Le vaisseau, où est-il? Toi, demande. C'est bon, cette connerie, hein? Oui, maître Yoda, je suis en train de négocier, là. Alors oui, en plus, on peut m'écrire avec ce... Impatient, je suis. Donc, j'en ai besoin de m'écrire. Madame, comment vous vous appelez? Comment ça? Moi, je suis Talzin, tout le monde me connaît, je suis la mère des Sœurs de la Nuit. Oh bah, je connais pas votre blase, mais moi. Mais combien y a-t-il de personnes dans la secte actuellement? Combien y a-t-il? C'est un reportage. Comment vous entendez les voix dans ma tête? Maître Obi-Wan, je suis pas sûr que savoir le nombre d'occasions soit très intéressant. Non, c'est la force qui parlait là. Ah. Alors, vous êtes venu sur ma planète, mais qu'êtes-vous venu faire ici, grande folle? Alors, je suis pas venu pour manger des yaourts. Vous vous doutez bien. Pourtant, c'est ce que je voyais. Ouais, ça faisait partie de mes activités aussi, mais. J'enquête sur. Faudra m'enlever quelques cartons, c'est bon. Alors, si vous répondez à mes questions, peut-être qu'on peut négocier des cartons de yaourt. Le vaisseau, alors, où est-il? Est-ce que vous n'aurez pas vu, il y a à peu près quelques mois, un vaisseau arrivé avec potentiellement des poubelles jaunes dedans? Des poubelles jaunes? Oui, parce que j'ai un vaisseau qui a décollé de ma planète. Nous les aurions vus, parce qu'ici, nous n'avons que des poubelles bleues. Et vous avez pas vu de vaisseau arriver? J'ai l'impression qu'il est arrivé clandestinement, votre vaisseau, là. Ah, c'est possible. Mais est-ce que vous l'auriez détecté? Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut être? Je vais aller voir mes archives à la médiathèque. Ah, vous avez vous aussi des archives? Ah, mais c'est génial! Est-ce que je peux vous accompagner? La médiathèque, tout le monde a... Oui, maître Yoda, je cours à la médiathèque, du coup. Moi et médiathèque. Oui. D'accord, oui, bon, j'y vais, maître Yoda. Vous pouvez m'accompagner. On sera deux folles pour chercher, ça sera mieux qu'une. Effectivement, j'utiliserai la force. La force. La force toujours utilisée. Ouais, la force des fruits, Taïfine. Ah, je croyais que c'était la force des Jedi. Ah, faites attention, pourquoi vous allez gaffer. Vous aimez pas les Jedi? Quand ce sont des hommes, non. Ah d'accord, bah, je connais pas d'hommes Jedi. Ah tant mieux, parce que sinon vous aurez fait bouffer tous vos yaourts. Jedi net. Jedi net, féminin de Jedi. Ah mais non, maître Yoda, je ne peux pas être Jedi net. Parce que sinon, ah bah quoique, ils ont pas dit qu'ils aimaient pas les Jedi femmes. Ouais. Oh, non, on aime bien les femmes. On aurait dû faire venir. Ah bah non, on n'existe pas. Même les Sith femmes. Ah d'accord. Ou les femmes Sith. Ah, les Sith. Ah, maître Yoda. Les femmes de ta région. Les Sith, c'est... Ça vous plaît pas, je crois? C'est pas genre vos ennemis jurés? Non, bah... Écoutez, Padmé, nous sommes arrivés à la... Ah, à la médiathèque. Je cool. fais amener les livres et faites comme moi, faites si c'est sur les sièges. Ah ouais, ouais. Membre carte as-tu ? Quoi ? Membre carte as-tu de la médiathèque ? Ah non, mais ils m'ont invité, je crois, c'est bon. Je peux rentrer sans la carte de membre ? Je peux être VIP ? Oui, de toute façon, pas de mal, vous êtes avec moi, donc vous êtes oui, VIP. Mais hein. vous avez pas beaucoup de visites, j'imagine. Oh, bah, par des femmes, non. Oh, bah, c'est cool. Non. Bon, alors, cherchons. Alors, membre carte, là, il faut avoir. Attends, passez les voix. C'est ce jour-là qui nous intéresse. Ah non, non, ça ah, marche non pas. Ah, non, bah, non, non, non, une histoire d'amour dont il y a longtemps qu'on n'est plus ça, nous, oh, chez ouais, nous, hein, les femmes. Hein. Non, mais là, c'est l'archive du jour. Enfin, c'est le jour qui nous intéresse. Ah. C'est ce jour-là qui aurait potentiellement... Mais dites d'après donc... mes calculs scientifiques, le vaisseau serait arrivé à cette telle date. Mais dites donc, là, pas de mais... Vous êtes bien curieuse pour une femme qui vient juste rendre visite pour juste regarder des archives. Maître Obi-Wan, qu'est-ce que je réponds à votre ça Votre Altesse, pour calmer le jeu, rappelez les cartons de yaourt. Ah oui, mais n'oubliez pas, mademoiselle Telzin. Madame Ouais, mais vous êtes mariée. Mariée, allez. Non, vous êtes... mais c'est madame. Ah bah d'accord, bon bah madame. Mais n'oubliez pas, j'ai parce des cartons... Parce que je suis la mère. J'ai des cartons de yaourt pour vous. Beaucoup. Potentiellement beaucoup. Ah. Ouais. Maître alors... Yoda, allez faire un saut vite fait sur Naboo, allez chercher des cartons. Grande commande Amazon yaourt. Merci. Donc mademoiselle Tilly, dans ce livre, il dit qu'il y a un vaisseau qui s'est crashé du côté de la montagne noire. Vous connaissez la montagne noire? Ah oui, je m'en rappelle, oui, il y avait des bacs en ordure. Ah, mais c'est cool. Mais il y avait surtout des gris, pas des jaunes. Il y des avait gris, un jaune. Des bacs en ordure gris. Ah. À bord, vaisseau, qu'y a-t-il? Y avait-il quelqu'un dans ce vaisseau? Parce que forcément, il y a un pilote, hein. C'est pas cool. J'avais pas enclenché le pilote automatique. Il y aura vraiment beaucoup de yaourt pour que je vous donne la réponse. Pas de problème, je double la mise, deux cartons. Alors, par contre, moi j'aime bien l'ananas, hein. Je vous détaille une fille d'ananas. Maître Yoda, est-ce que vous croyez que c'est possible de commander? Ananas commandé. Merci, Maître Yoda, vous êtes bien aimable. Bon, alors, il y avait un, deux... On a, grâce à ça, on a récupéré un de nos frères de la nuit. C'est vos frères? Ouais. C'est un homme? Oui, mais il vit pas avec nous. Comment s'appelle-t-il? Je crois que les sites l'appellent Dark Ball. Nous, on l'appelle du con. C'est génial, ce surnom. Maître Yoda, Maître Obi-Wan, je crois que c'est lui. Il est pas mort. Oh, Obi-Wan. Pas mort, il est Obi-Wan. Vous content. Vous êtes une merde, Obi-Wan. Vous avez raté votre coup, Obi-Wan! Et pour l'instant, pour moi, je l'avais tranché en deux, il me semble. Maître, je croyais que vous réussissiez toujours vos missions. Mais apparemment, vous avez échoué, là. C'est clair. Échoué, vous avez, Obi-Wan. Mais non. Banni, vous êtes. Mais non, il peut juste rattraper son erreur. Non. Les Jedi, ils bannissent pas. Depuis quand les Jedi bannissent, les gens? Bon, mais je... M'emporte, je... Ah, ça doit être les yaourts qui ont un mauvais effet sur son système digestif. Maître Yoda, mangez pas les yaourts. On va en avoir besoin. Périmés, ils étaient. Ah, c'est mais possible. Je crois que finalement, si on avait eu des yaourts à l'époque, on l'aurait réparé plus vite. Madame Telzin. Oui. Ce fameux Dark Maul. Oui. Il manquait pas, genre, un petit quelque chose, genre, deux jambes. Ah, je croyais que vous alliez dire une zigounette. C'est possible aussi, hein. Non, on a tort collé, hein. Oh. Ah, vous êtes trop curieuse. On a, chez nous, on a de la colle super haut. Sur Terre, ils ont une autre marque, hein. Maître Yoda. Revenez, Padmé, vous êtes ici avec nous parce que résolu à faire. Et moi, les meilleurs. Madame Telzin. Courez. Courez. Non, mais j'ai pas besoin de courir. Commande non commandée. Courez. Ah. Je cours! Mais fuck les vieilles! Je veux un meilleur! Livraison premium! Ils sont pour moi, les yaourts! Allez vous faire foutre! Commerce! Ouvrez la porte, bordel! Ouvrez! Ouvrez, je suis dehors! Nous ouvrons! Merci! Réussi, nous avons mission accomplie! Ah bah non, la mission n'est pas accomplie! Bah, quand même, un peu. Bah, vous savez qu'il est vivant, mais faut peut-être le buter. Ah, le retuer. Ah, bah, ouais, hein. Bon, bah. Ah. C'est pas cool qu'il soit en vie. Atomic bomb, nous larguons. On a ça. On a ça. Ah, mais c'est tout cool. Prévu, j'ai. Pourquoi il l'a pas utilisé? Alors. Mais le conseil vous l'a interdit d'utiliser l'atomic bomb. Mmh. À l'origine, oui. Mais ils l'ont interdit à Maître Yoda et à Maître Obi-Wan. Mais à moi. C'était marrant. Donc, vous l'aurez compris, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Si vous n'avez pas de pot de yaourt, n'en promettez pas à vos voisins, à vos amis, à qui vous voulez. Mais sachez que les pots de yaourt sont une bonne source de... Une monnaie d'échange. De discussion, surtout, de monnaie d'échange. Surtout s'ils sont à l'ananas, apparemment. Ah, c'est bon. Quand vous cherchez vos poubelles, pensez toujours à amener des yaourts à l'ananas, on sait jamais. Voilà. Est-ce que c'est pas parti un peu en couille, notre Est-ce histoire? Est-ce que c'est totalement parti en couille? Oui. D'accord. Totalement. Est-ce qu'on va pas recentrer un peu dans un instant avec... Ouais. Les sites qui sont basculés dans la lumière. Les sites qui ont basculé dans la lumière. On n'a pas en parlé tout à l'heure. Si, Parce que finalement, il y en a, ils ont trouvé le bouton pour allumer, puis ils sont tombés dans la lumière. C'est ça. Bah, ils ont allumé la lumière, en fait. Ce que je propose, c'est qu'on écoute Anafri. Ouais. Ah, tiens, on l'avait pas entendu, celle-là, encore. C'est vrai qu'on longtemps qu'on l'avait pas entendu, un petit Anafri. En ce moment, il y a quoi? C'est quoi l'actu? C'est le yaourt. Tout va bien. Non, mais l'actu, je... Oui, c'est pas le yaourt. Dans le sport, en ce moment. Le foot. Le foot. Et dans le foot, tu utilises quoi? Ton pied. Et quand tu tapes dans le ballon, ça fait quoi? Un kick. Oui. C'est le titre de la fille. Kick, kick, kick, kick. Effectivement, c'est le titre. Mais justement, cette chanson a été faite... Alors, c'était pas la Coupe d'Europe à l'époque, c'était la Coupe du Monde. Ouais. Il y a quelques années, et elle l'a fait. Ah oui, c'est vrai, il y a quelques années, il y a eu une Coupe du Monde. Ouais, je confirme. Mais c'était pas celle-là, c'était celle-là. Là, c'était l'autre. Kick it up. Kick it up. Kick it up. Exactement. Le yaourt. Les Easy Top. Et après, donc, on aura l'occasion de faire les sites qui ont basculé dans la lumière. Et pour terminer, le quiz. Avec le quiz sur Star Wars pour évaluer vos connaissances. Réponse C, le yaourt. On écoute Anafri. Ah, l'ananas. Oui, on écoute Anafri avec cette musique spéciale foot. Oui, tout à fait. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Ouais, bienvenue, on vous a accueilli avec un titre d'Anafri si vous venez de nous rejoindre. Oui. En théorie, vous êtes à la fin là. Le mieux, ça serait d'écouter le podcast à la rigueur sur Indestar.fr. Pas encore à la fin, on a encore plein de choses. Pas totalement à la fin, effectivement, il nous reste encore pas mal de choses. Mais moi, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que pendant la musique, vous avez mangé des yaourts? Faut toujours manger des yaourts. Mais oui. Et pas pendant la musique, on n'a pas eu le temps. Bon, j'en prendrai un au petit déj, moi, demain. Peut-être. Ouais. Là, ce qu'on va parler, c'est pas de yaourt, mais pas loin, parce que c'est la lumière. Les yaourts, c'est la lumière, on le sait. Oui, parce qu'il les a pas commandés, en fait, c'est pour ça. J'ai appris ça à la fin de l'histoire tout à l'heure qu'il les avait pas commandés. Dans l'univers Star Wars, il y a des méchants. Il y a des grands méchants avec des sabres rouges. Hein, comme des dans la vie. Sites. Hein, comme on... bah, c'est des sites, hein, clairement. C'est des sites. Ouais. Des sites. Et bah, bizarrement, dans l'univers étendu de Star Wars, il y a des sites. Même qui sont revenus du côté. Quoi ? Même dans le normal. Ah oui, c'est vrai. Bah, Anakin. Oui, oui, non, mais tout. Oui. Il y a des sites qui sont revenus dans la lumière, qui sont revenus du côté gentil de la force, du côté positif de la force. Oui. On peut dire ça comme ça ? Oui, on peut dire ça comme ça. Bah, voilà. Et du coup, tu vas nous parler de ça, Kevin, c'est ça ? Et donc, le premier. Bon, forcément, quand on dit site qui est revenu gentil. Bah, Anakin. Forcément. Voilà, Dark Vador. Oui. Donc dans l'épisode 6, quand il voit l'empereur torturer son fils Luke Skywalker, bah... il l'approuve pas. Voilà, voilà, il a pas trop aimé bizarrement. Non. Donc bon, il change et puis il défonce. Voilà. Il se sacrifie un peu et il rejoint la force. Il revient en tant que fantôme de force à la fin, aux côtés d'Obi-Wan et de Yoda. Ouais. Donc, bah forcément Vador. Après, donc j'ai trouvé Dark Revan qui est dans l'univers. Dark Revan. Non, Revan. Pas Revan, non. Revan. C'est le mec l'été. C'est, ouais, c'est le Jedi posé. Lui, c'est... Non, les Dark Revan, ce sont les lunettes de soleil. Et donc, ça, lui, il a fait mieux que Vador. Il est pas revenu une fois du côté de Jedi, mais deux fois. Alors, c'est un peu con, parce que du coup, s'il est revenu deux fois, ça veut dire qu'il a été deux fois du côté voilà, aussi. Il a basculé deux fois aussi. Il est vraiment très con. Il hésite, lui. Hein. Il a dit... C'est une balance. Ouais, ça, il a Poucave. Non, mais c'est comme le groupe Facebook qu'on parlait tout à l'heure. En fait, ils ont des cookies du côté obscur. Et du coup, il est rechuté dans. Il est tombé deux fois dessus, il a dit ah, ça peut être sympa, allez, vas-y, j'y retourne. Tu crois qu'il trempe les cookies dans le yaourt ? Peut-être. Peut-être. C'est peut-être ça la force des sites. C'est la force des sites. Et donc, lui, la première fois, il a été converti par Vitiat après les guerres mandaloriennes, justement, qui ont opposé la République à. Bah, au Mandalorian. Donc il était bon et après il était mauvais, voilà, c'est ça ? Il était bon, mais il a voulu aller chercher vu qu'il savait que le Mandalorian était manipulé. Donc il a été, et ça l'a amené sur une planète Sith, donc Dromund Kaas, qui est l'autre grosse bastion des Sith. Et après, il revient du côté de Jedi en étant trahi par son apprenti Dark Malak. Et donc la deuxième fois. il revient en tant qu'esprit du côté obscur et trouve la paix après un combat entre lui-même. En gros, contre son esprit. Wow. Oui, celui-là. Ça, je voudrais voir la scène. Il se bat contre lui-même. Oui. Alors, quand tu joues au tennis contre le mur, je comprends. Ouais. Se battre contre soi. Ouais. Bah, en théorie, même quand tu te bats contre le mur, tu gagnes pas parce que t'es contre toi-même. Donc, tu peux pas gagner théoriquement. Mais... Bah, tu gagnes et tu perds. Ouais. Et donc, après, j'ai marqué un point, oui, mais je l'ai perdu. Et après, il fait comme Anakin, il rejoint la force en tant qu'esprit. D'accord. Ma foi, sympathique, tu vois. Oui. Donc, là, c'est un cas un peu à part, vu que je vais parler de Dark Maul, qui a toujours plus ou moins été du côté obscur, mais qui a aidé à plusieurs reprises des Jedi. Je dirais pas qu'il est totalement du côté obscur, lui, en même temps. Plus ou moins. Il utilise des pouvoirs obscurs, mais pour moi, il est plus... comment dire ? J'ai envie de dire, pas neutre, mais il est sauvage en fait. Il utilise ses pouvoirs obscurs, mais il est pas forcément du côté mal. Le problème de Maul, vu qu'après, dès qu'il quitte l'ordre Sith, ça devient juste Maul, c'est que Maul a une forme de combat qui appelle à la haine. Ouais. Et la haine est le chemin vers le côté obscur, comme Yoda. Oui. C'est pour ça qu'il utilise ses pouvoirs. Voilà. Ouais. Et lui, notamment, son but après avoir été trahi par Sidious, c'est de se venger de Sidious, donc de le tuer. Mais ça l'approche également de Kanan Jarrus et Ezra Bridger dans Star Wars Rebels, et ça l'oblige à les aider en tuant notamment un exécuteur. Ouais. C'est cool. Oui. Après, pauvre exécuteur quand même. Ouais, mais lui, on s'en fout. Lui, clairement, lui, on s'en fout. Ça peut être un... Non, ce qui est chaud, c'est qu'il a perdu ses jambes quand même dans cette histoire. Mais après. Il va perdre un frère aussi. Il perd Savage Opress contre son premier combat. L'avantage, c'est qu'il pouvait mettre ses jambes à son cou après. Justement, Maul a récupéré le sabre des Mandaloriens. Ouais. Il a même été roi de Mandalore, oui, d'ailleurs. Il a été roi de Mandalore. Et justement, battant le précédent roi. Ouais. J'aimais bien. Pourquoi il est de Mandalore? Alors, Il avait pas de montre. Ah non. C'est beau. Ouais. Et donc, le dernier site, c'est un peu différent, vous aussi. C'est Dark Gravit, qui est également dans l'univers étendu. C'était pendant la règle des deux. Sauf que lui, le problème, c'est que c'était le maître. Donc le maître a voulu quitter l'ordre, donc en abandonnant son devoir de Sith, et a voulu détruire toutes les connaissances Sith au passage. Sauf que son apprenti l'a tué, mais Kitty tuer un maître trop tôt dit également perdre beaucoup de connaissances du côté obscur. Ce qui fait que son apprenti après n'a pas... Et teubé. Pardon. Ça dépend de quel point de vue tu parles. Vu qu'après, vu que le Sith allait revenir Jedi, il fallait le tuer quoi qu'il arrivait. Pour l'ordre Sith. Et il était revenu Jedi du coup. Oui, il voulait détruire l'ordre Sith. Il voulait tuer son apprenti, sauf que son apprenti l'a tué en combat. Il y a ça aussi. Parce qu'il n'y a pas que Jedi et Sith au final. Il y a des fois des entre-deux. Comme un peu Ahsoka au final, qui a ni confiance en l'un ni en l'autre. Alors, c'est l'entre-deux. C'est pas Jedi, c'est pas Sith. C'est encore autre chose. C'est des personnes qui se mouillent pas. Qui choisissent pas de camp, qui font un peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est bien aussi. Hein. Oui. Je dirais pas que c'est le côté du bien pur, mais... Ça dépend. Les Jedi, ils vont trop loin aussi dans certaines choses, au final. Voilà, je vais reprendre les dires d'un site Dark Malgus dans l'univers étendu. Les Jedi disent servir la force. Sauf que dans la force, ils n'embrassent que la vision positive. Oui. Sauf que dans la force, il y a le côté négatif aussi. Et en faisant abstraction de ça, au final, ils prouvent que ce sont eux les méchants. Donc c'est ces mots. Oui, c'est discutable, hein, parce que entre servir une galaxie et voilà. Mais oui, effectivement, même dans les Jedi, du côté des Jedi, il y a des trucs qui sont pas cool. Du côté des Sith, il y a plein de trucs qui sont pas cool. Voilà. Il y en a quelques-uns. Effectivement, voilà. Et c'est pour ça qu'Asoka a perdu confiance, d'ailleurs, du côté des Jedi. Hein. Après, il y a des Sith qui ne servent pas l'ordre Sith, mais la force. Ils sont très rares, mais il y en a. Ça notamment arrive. Un qui a détruit le temple Jedi. Du coup, il a un sabre rose. Sabre rouge. C'est resté un rouge. Bah, fort. Tu sais quoi, Kevin? C'est moins marrant que les histoires de yaourt. Hein. Forcément. Après, le pauvre, peut-être qu'il y a un dark yaourt. Peut-être après. Dark yogourt. Dark multifruit. Faut qu'on arrête les conneries. Non mais du coup c'était cool, c'était très instructif tout ça. Ouais, et je sens qu'on c'est vrai qu'on en parle jamais de cela. Bah ouais, clairement. On parle toujours des Jedi qui ont basculé, mais jamais des Sith qui sont revenus. Ouais, parce que une fois que t'as passé le cap, on a plus envie que tu reviennes. Non, mais par contre, ce qui revient tout le temps en fin d'émission, hein, clairement, oui. Ça soit le lundi ou le vendredi, c'est le quiz, le fameux quiz de Théo. Alors, c'était la dernière fois que ça revient, parce que c'est la dernière de l'émission La Maison de la saison. C'est pas faux. Mais il se peut que pendant les vacances, on fasse des quiz, hein. Peut-être ouais. pas forcément. Ou même des jeux. Enfin, hein, des ouais. missions et des jeux, parce qu'on aime bien les jeux, on aime bien jouer. On fera de tout. Mais là, en tout cas, c'est un quiz bon. Spécial Star Wars, hein, clairement, et on va s'affronter tous. Ouais. Ça va être marrant, je pense. Bah écoute, j'espère. C'est Théo qui a fait le quiz. Donc... c'est ce que j'allais dire, normalement, surtout quand on sait alors, qui l'a fait. Alors, normalement... Je suis curieux de savoir qui va gagner ce soir. Et moi, je suis curieux de savoir qui va perdre. Alors, moi, je sais qui va perdre. Mais en tout cas, alors, vous, bien sûr, vous me direz. Mais je croyais que tu étais curieux de savoir si tu avais les bonnes réponses, toi, déjà. Ah, j'ai... Non, bah en fait, c'est totalement au hasard. Mais normalement, ce quiz est assez difficile. Genre, j'ai pas fait... la couleur de l'épée. Oui, la couleur. Ouais, voilà. Il a pas fait la couleur de l'épée de. Enfin, du sabre laser de Mace Windu. Ouais, pardon. Qui est un peu trop sombre. Oui, c'est. Oui, non, là, j'ai monté d'un level parce qu'on a étudié. Parce que faut que je Star Wars pendant 3 heures. Donc, j'estime qu'on a un certain niveau. Que ce soit de au level ou pas, je perds quand même. Ouais, c'est vrai. Peut-être que là, la chance sera avec toi pour la dernière. Peut-être qu'on va être sympa avec toi. Ça, on verra ça après Bad Guys de Jenel Garcia. Ouais. Faut que c'est une reprise de qui? Billy Eilish. Oh, ça me plaît, ça. Il y a Jedi Garcia. Ouais, c'est ça, c'est Billy Eilish. C'est un Jedi qui a chanté, Jedi Garcia. Ah bah non, Jenel Garcia. Jenel Garcia. Ouais. Non, mais what the fuck la musique avec Joey Star et Star Wars. Hein. Moi, ça m'a choqué. Ah bah c'est choquant. Mais de toute façon, ouais. à partir du moment où il y a Star Wars, non. Joey Star plutôt. C'est oui. choquant. Bah voyons voir si Bad Guys va être choqué. Non, mais en principe, ça non. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Eh ouais, l'émission à la maison avec ce petit bête que vous connaissez tous, le bête du quiz. Ouais. Bam, bam, ça va cogner. Ouais, yogourt. on ouais. arrête avec les yogourts. Ouais, on arrête avec les yogourts. Donc c'était une spéciale Star Wars c'est bon. Aujourd'hui. Donc forcément ouais. quiz Star Wars pour terminer cette émission. Évidemment. Et pour terminer la saison d'ailleurs avec quand même une place importante. Qui va gagner ce soir entre Daniel, entre Kevin, notre spécialiste Star Wars, Teddy ou sait-on jamais? Jolan. De toute façon, vous savez très bien que Jolan ne peut plus perdre depuis qu'on a un Jolan virtuel. On a un virtuel Jolan. On a virtualisé Jolan. Virtualisé Jolan. Mais ça fait comme dans Code Yoko, tu sais, on t'a mis dans la machine. Alors, pour vous expliquer, si c'est la première fois, et pour t'expliquer, Kevin, le principe du quiz, c'est qu'il y a 7 questions. À chaque fois, il y a 3 possibilités de réponse. Seule une de ces bonnes de ces réponses est la bonne. Et je demande, on y va tranquille. C'est-à-dire que je pose ma question, je propose, et après je vous demande à chacun quelle est votre proposition. Et je donne la réponse seulement après. Ça fait des points, 7 maximum, et celui qui totalise le plus de points a gagné le match. D'accord, ça marche. Première question. Sur quel monde est né l'ordre Jedi? Est-ce que c'est sur Coruscant? Non, Coruscant. Coruscant. Coruscant. Évidemment, évidemment. Sur Ossus, on voit, ou Titon. Je vais poser la question à... Bah tiens, Jolan, pour commencer. Oh, le pauvre. Bonne chance, Jolan. Jolan. Bonne chance, que la force soit avec toi. Oui. Ouais. C'est à moi de parler de réponse, c'est ça? Bah c'est ouais, hein. Tout à fait. Si t'as deviné, il veut t'enfoncer dès le début. Non, pas du tout. J'ai pas entendu la dernière proposition. La dernière, c'est Titon. De toute manière, ça va pas tirer à grand chose. Titon, c'est comme un titan, mais un. Ah bah, c'est un ton qui est titan. Voilà. C'est un petit titan, c'est un voilà. titan. C'est un bébé titan. C'est un petit ton. Voilà. Alors, je l'avoue. Oui, on t'écoute. J'ai pas entendu la dernière. Mais c'est toujours Titon. Titon. Ah, Titon, pardon, oui. Moi je dirais Coruscant. Coruscant, pas Coruscant. C'est proche du centre-ville quand même. C'est pas faux. J'ai dit quoi? Non, rien du tout. Ok, je vais. Bah, attends, faut que je marque. Je note. Bah, non, mais tu peux. Pourquoi je peux pas noter les points? Il faut que tu te rappelles de toutes les réponses de chacun. C'est facile. D'accord, ok. J'ai posé la question à Daniel. C'est Titon. Titon pour toi. Teddy. Bah évidemment que c'est Pourquoi t'as dit Titon d'abord? Parce que c'est un petit ton. J'en sais rien. Titon, je suis Daniel. Daniel, ok, c'est... Alors, et on va poser alors la question à Kevin. Alors, tout dépend, c'est l'ordre Jedi actuel ou. Sur quel monde est né l'ordre Jedi? Alors, Titon. Eh bien, effectivement, c'était Titon. Alors, pour petite info, si t'as lu la photo que t'as envoyée Théo tout à l'heure, Jolan, c'était écrit dessus. C'est oui, non, mais dans j'ai ta pas gueule fait le lien, je t'avoue, j'ai pas fait le lien. Alors, je vous rappelle un petit peu l'histoire. On est en moins 36453. Avant BY. Il y a 9 vaisseaux Tower qui arrivent sur Titon, avec des êtres sensibles à la force. Et c'est là qu'ils devinrent les Jedi et qu'ils construisent un temple dédié à l'étude de la force. Voilà. Certes. Hein, vous avez peut-être plus compris que moi. question suivante. L'acronyme de chasseur TIE signifie Target Imperial Echo, Travel into Emergency ou Twin Launch Engine. Engine. On dit engine, hein, le moteur. Dis-moi non. Oui. Non, c'est engine, hein, je pense. Engine, ouais. Le moteur. Bon, ok. Donc Target Imperial Echo, Travel into Emergency ou Twin Launch Engine, à ton avis, Teddy? Je comprends pas le mot du milieu de la troisième. Twin oui. Long. Yon, pardon. Yon. Yon, ouais. Twin Yon Engine. C'est quoi ce mot? Yon. Bah Yon, c'est comme tu vois des comme ions. Des ions. Ah, ion. Ion, ouais. Ouais. Twin Yon Engine. Bah non, la première. Target Imperial Echo. Ouais. Ok. Kevin? Alors. Chef. Je crois que c'est la 2. Travel into Emergence. Il l'a inventé celle-là. Ouais. Daniel? Moi je mettrai la 3. Twin Yon Engine. Et Jolan? Première question. Ta réponse, pardon. La Target Imperial Echo. Et non, oui. C'était la troisième proposition, bravo Daniel. Twin oui. Ion Engine. Twin, t'aurais pu y penser, il y a deux panneaux identiques de chaque côté, donc Twin jumelles. Ah, comme les World Trade Center. Voilà. Ok. C'était le tour et pas les tours de la soirée. Question numéro 3. Combien mesure Dark Vador en armure intégrale, hein, évidemment. Ah ouais. Est-ce qu'il mesure 1m91, 1m95 ou 1m98, à votre avis? Je vais poser la question à Daniel. En vrai? Il est grand. Oui, je sais. Alors, en vrai... d'ailleurs, je vous ai raconté l'autre jour, hein, je l'ai rencontré à la boulangerie, donc je m'en souviens très bien. Oui, il venait chercher son pain, etc. La première chose qu'on fait quand on le rencontre, c'est de mesurer sa taille. Ouais. Bah évidemment. Ouais, non mais... Oui, c'est... Puis je me rappelle, il était grand, plus grand que moi. Ouais. C'est-à-dire qu'il était grand... Mais est-ce qu'il était grand à 1m91, 1m95? Mais non, 1m98, voyons. À 98, carrément. T'attendais une réponse. Bah, pourquoi pas. J'avais pas compris, je croyais que tu voulais que je te raconte l'histoire. Ok, 1m98 pour Daniel. À ton avis, Jolan? Bah, je vais suivre Daniel, hein. 1m98. Ouais, ça y est. Au moins d'avoir une bonne sans réponse. 98. Quoi, Kevin, tu dis quoi? 1,85. 1,95, pardon. 95. Ah, il avait l'air sûr de lui, bien. Ça coûte moins cher. Teddy. Est-ce que je prends la qualité ou le moins cher? Le samplon 95 ou le 98, comme tu disais? Il y a aussi 1m91, ce qui est déjà grand. Non, c'est pas possible. Bon, c'est quoi, quoi? Je vais dire 98. 98. Moi, je fais des bisous à mon papa qui fait 1m91. J'aurais dû prendre 95 parce que c'est mon année de naissance. Mais... Bah ouais, t'aurais dû prendre parce que c'était surtout la bonne réponse. 95. C'était 1m95. Alors... Il y a des créatures qui font 1m98 qui étaient plus grandes. Dans l'univers légende. Alors, moi, je veux te dire pourquoi j'ai dit 98, parce que l'acteur... J'aurais pas dû te suivre, Daniel. Ouais, mais l'acteur qui joue Dark Vador mesure 1m93. Ah oui. Ah. Donc, je me suis dit, avec le casque compris, les chaussures, les talonnettes et tout... Ça aurait pu. Je me suis dit, eh ben non. Putain, question... Les sandales de corde et... Suivante, c'est la quatrième. Ouais, je crois qu'il avait que des espadrilles. Attention, oui. Quel cristal n'est pas associé à la conception du sabre laser? Quel cristal n'est pas associé à la conception du sabre laser? Est-ce qu'il s'agit c'est facile. Du cristal à des gens, Du cristal allez, Jean, Bondar allez, Jean, allez. Ou du cristal Arius? À des gens, Bondar ou Arius, à ton avis, Teddy? C'est facile. Oui, ça a l'air. C'est cristal à des gens. À des gens. À, ouais. À des gens. Quoi? À des gens. Il appartient à des gens. Pas à les gens. Il appartient à des gens. À des gens. Oui, il appartient à des gens. C'est un seul mot, à des gens? Oui, c'est un seul mot. Oui, c'est pas à des gens, non. C'est à des gens. Cristal à des gens. C'est bizarre ton nom. et c'est quoi les autres? Bondar ou Arius? Bah non, c'est plus facile du coup. Ça change tout. Bondar ou Arius? Ou à des gens. Ou Cristal à des gens. Ok. Kevin? À des gens, Bondar ou Arius? À des gens, Bondar. Et la dernière? Arius. Arius. Arius. Arius. Arius. Daniel. Alors moi j'avais déjà fait ça pour montrer que je trichais pas après Kevin et je dis Arius. Jolan. Mais je vais suivre aussi tout le monde Arius. Bah non, moi j'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est vrai que Teddy n'a pas dit ça. Il a dit à des gens. Il pas tout le monde ceux qui sont calés quoi. Non, bah, non, mais faute, moi, hein. J'ai hésité entre le 1 et le 3 et j'ai fait ça au départ pour montrer que j'avais pas copié. C'est dommage, t'aurais dû suivre Teddy. Non, je rigole. C'était ouais, Arius la bonne réponse. Effectivement. Oh, c'est bien chaud. Tu sais, parce moi j'avais déjà un point. Hein. Non, mais tu sais que Théo, il est du côté site, hein, c'est pas un gentil. Hein. Je suis du côté moi, c'est un dur de la force. Ouais. Et en fait, Jolan, je te l'ai pas dit, mais je suis ton père. Ah merde. Question suivante, ah oui, oh, merde, tu peux le dire. Raison, tu peux le dire. J'approuve là, hein, je comprends. Combien de récompenses toute la saga Star Wars a-t-elle obtenu? Ah putain. Je donne un indice, c'est beaucoup. 74. Ouais. Quel indice? 121, 128 ou 135? À ton avis, Kevin? Je dirais 121. 121, parce que déjà pas mal. Hein. Teddy? Je vais dire 121. Ah oui, d'accord, comme ça, ok. Alors, je vais poser la question à Jolan. Répétez les trois, s'il te plaît. Bah 121, 128 ou 135. 128. 128. Daniel. Bah moi je crois que je vais faire une grosse folie, je vais suivre Jolan, je vais dire 128. 128 pour Daniel aussi. Quelle idée de suivre Jolan. J'ai prévenu hein, que je faisais une grosse folie. Ouais, ouais, ouais. Et des fois la folie paye, mais pas dans ce cas, c'était 121. Ah, voilà, ah, 121 une récompense. Attention, nous arrivons à l'avant-dernière question. Quelle taille, bien. J'aime bien, faisait la première étoile noire? Alors, c'est un peu plus qu'un mètre 91 pour un coup. Est-ce que la taille de cette étoile noire fait 160 km de diamètre, 200 km de diamètre ou 240 km de diamètre? Je vais poser la question à Jolan. Tu peux retirer ça. Bah, 160, 200 ou 240? 160. 160. Ok, très bien. Valide. Teddy. Peux-tu répéter les chiffres, s'il te plaît? Les mecs qui sont pas casse-couilles, c'est. 160, 200 ou 240. La première étoile noire. Imagine, tu la vois là, l'étoile noire, elle est là. En mètre carré, c'est ça? En kilomètres de diamètre. Ah, en kilomètres. Ah, bah oui, mais c'est 160. C'est celle de la Battle of Yavin, là. Ouais, ouais, bah, la première, elle était plus petite. Ils ont construit une deuxième plus grosse après. Ouais, ouais. Donc c'est 160. Kevin. Tu peux répéter les propositions? Non. Jolan, il a répondu quoi comme. 160. Il a répondu 160, ouais. Oh merde, j'aurais pas dû prendre ça. Tout le monde a pris 160. Mais Kevin aussi en même temps. Donc peut-être que c'est la bonne réponse. T'as pris 160? Peut-être pas. Daniel. Tu peux répéter les réponses? Sortez-moi de ce cauchemar. T'es pas encore rentré non plus. Donc, ah bah je sens que je vais pas faire comme tout le monde. 200. 200. Voilà. Je voulais dire 240, mais. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu être 200 aussi. Mais c'est 160. Mais c'était 160. Non, mais Jolan, je prends pitié de toi. Mais je savais cette réponse, je connaissais le. Ah bah ouais, tu l'avais vu l'étoile noire. Bah, tu l'avais mesuré l'étoile noire. Au moins, t'en as une. Bah deux, je crois même. Ouais, ouais, il a deux points. Je dois pas en avoir tellement plus, moi. Ah. Techniquement, Jolan, il va se battre pour la dernière place. Ouais. Ah, mais j'ai deux, j'ai quoi, j'ai deux points déjà, c'est pas mal. Bah ouais, ouais c'est mais bien. T'es déjà dernier. C'est déjà pas mal, plus que d'habitude. Je suis dernier, mais j'ai deux points. Mais merde. Tu peux en avoir une troisième. Tu peux tenter l'égalité. Tu peux tenter l'égalité sur cette question qui est la dernière question du quiz, la dernière question de l'année, la dernière question de la saison. La voici sur ta enfin, barre. Enfin, il arrêtera de nous les briser. En combien de temps Anakin remporte la course de la Bunta Eve? En combien de temps Anakin remporte le cours de la Bunta Eve? Est-ce que c'est en 14 minutes et 42 secondes, en 15 minutes et 42 secondes, ou en 16 minutes et 42 secondes? Il y a du 42 secondes. 17 minutes et 42 secondes. Je vais poser la question à Daniel. Alors, 17 minutes et 42. Il n'y a pas 17. Ah. Il y a 14, 15 ou 16. Ouais, non, mais je crois qu'il a décidé de me contrarier. Depuis tout à l'heure, je donne des réponses. 17 si tu veux, mais je suis sûr que ça sera pas la allez, bonne. 14. 14 minutes et 42 secondes. Il a été vraiment rapide. Jolan. Je vais être chaud, mais est-ce que tu peux redire les 3, s'il te plaît? 14, 15, 16. 14, 15 ou 16. Et 42 secondes. 15. Parce que j'ai vu le film, donc je dirais. Ah ouais, t'as vu le film et du coup tu réponds 15. Ouais. Oui. Et tiens, t'es dit quoi, toi qui fais ton malin, toi, 14. 14 Kevin? C'est 14. Bah ouais, c'est 14, la Jolan. Oh putain, merde. Non, mais en fait, j'ai fait référence. T'as dû voir les Blues Brothers. T'es pas le même. Non, mais je crois que t'as, non, dû, non, non, t'as dû voir une copie. Fait, j'ai dit 15 parce que j'ai, dans le film, à un moment, dans la course, si vous vous rappelez bien, il a un accident pendant la course. Ouais, ouais, coup, ouais, ouais. Ouais, mais c'est à 15 km. Donc, du coup. Mais du coup, t'as bien perdu. Gagné. T'as bien gagné ta dernière place. Je me suis fait l'hypothèse que c'était qu'il avait mis un peu plus de temps, mais non. Alors. Eh non. T'avais une chance d'égaliser si nous on serait planté et toi t'aurais réussi. Mais là c'était tout l'inverse. Mais là non. Du coup tu as deux points, Jolan. C'est bien. Ouais, je suis le meilleur en partant de la fin, je sais. Ouais. Après il y a une égalité entre moi et Daniel. Je suis pas peu fier de cette égalité. Sur 7 on a la moyenne. On a 4 points. Ouais, ouais c'est pas mal. C'est ouais, pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et après on s'y attendait quand on même un peu. On a notre peu, spécialiste. Hein. Oui. Kevin qui a 6 points sur 7. 6 points. Il s'est planté à la deuxième question. Waouh, il s'est planté. Non mais il faut toi. Avouer qu'il a hésité quand même. Hein. Ouais, ouais. Non, bravo mais bravo! Toi, c'est évidemment, point. Bravo! Ouais, ouais, ouais. Clap clap! Ouais, ouais, ouais! Clap clap! Super bruitage! Ça le récompense si tu veux des nombreuses heures perdues à devoir regarder Star Wars! Je comprends pas! Comment t'appelles ça? Des heures perdues? Ça, ouais, c'est pas gentil, des heures perdues quand tu regardes Star Wars! Bah, disons que. C'est même des heures gagnées! Bah ouais! Ouais! Alors, faut pas faire ça toute ta vie non plus! Parce que sinon, tu risques de perdre au bout d'un moment! Alors qu'il suffit de réécouter 3 heures de podcast et on a tout compris finalement! Ouais, c'est non, pas mais faux! En regardant Star Wars par exemple, après tu sais réparer le Faucon Millennium! Qui tombe oui. toujours en panne! Mais vrai, qui n'existe pas en même temps! Te trompe pas avec le vrai con Millennium par contre! Hein. Bah, avec un vrai faucon! Ça marche! Ou avec les jeunes Millennials! Mais on s'en fout, on s'éloigne fortement du sujet. Débat, ça. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette émission Star Wars, bah, elle est finie, hein, clairement. Mais vous pouvez la retrouver en podcast sur indestar.fr, ouais sur Deezer, ouais sur MySpace. Ouais sur MySpace, non? J'allais dire MySpace, ouais. Non, sur Deezer, Spotify. Ah, Spotify, ouais. Et d'autres. Et d'autres. Podcast toutes les Addict, c'est ça? Ouais, ouais, si tu veux, par exemple. Donc, ouais, si tu veux, vous podcast pouvez là-bas, vous pouvez retrouver tous nos podcasts d'ailleurs. Mm. Et c'est la fin de cette saison. C'est une fin de saison. C'est une fin de saison. Ouais, je sais pas. On fait péter le champagne. On en a pas. Oh. Saison qui évidemment, vous l'avez constaté, était un petit peu spéciale à cause de ce que vous savez. Ouais. Mais oui, malheureusement. Mais on fera différemment la saison prochaine. Et c'est surtout que cet été, on va avoir plein d'émissions. Oui, on va faire des tests en fait. On va s'amuser, on va faire tout et n'importe quoi. Tout est possible. Parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Bah, si, mais en mieux, en pire. C'est plus ou moins préparé quoi. En fait, d'habitude, on essaye d'être structuré, tu vois. On essaye d'avoir des trucs, un thème, on essaye d'avoir tout correctement. Là, ça va être le bordel total. Mais avec des thèmes de folie. Voilà, il y aura de la thématique. Ouais. Mais chacun va décider de la thématique. Ça vous dirait de faire une radio pirate en C4 en Ah bah pourquoi pas. C'est-à-dire que là, il va falloir écouter Indestar 24h sur 24. Et peut-être qu'à un moment donné, vous tomberez comme ça, clac, sur une émission à 2h du matin. C'est possible. Sur les yaourts. Sur les yaourts. Ah mais il se passera n'importe quoi parce que... À l'ananas, hein. C'est vrai que oui. Le concept de l'émission de pirate, c'est on ne prépare rien. On vient. Quand on veut. On fait. Voilà. Donc il est possible que... par un beau jour de juillet ou du mois d'août, vous tombez sur une émission qui n'a ni queue ni tête. Mmh. Voilà. En attendant, vous avez toujours les podcasts. Est-ce que quelque part une émission ça a une queue et une tête? Oui. Ça, c'est une question philosophique quelle on peut se poser. Et j'en profite aussi pour vous dire, je pense que c'est le bon moment pour annoncer ça. Ah. Je vais être papa. Non, j'ai. Non, celle-là, je l'ai déjà faite, c'est réglé. Non, mais si vous avez envie de rejoindre la radio, si vous avez envie de faire, de la radio, oui. Alors que vous soyez, on va dire, dans les alentours d'Amboise, parce que nous on habite en Amboise, donc voilà. Mais sinon, vous pouvez nous rejoindre sur Discord aussi. C'est possible de faire de la radio de chez vous. C'est possible aussi. C'est moins bien. C'est moins bien. Ouais. Mais c'est possible. On l'a testé toute l'année, on peut vous le dire, c'est moins bien. Mais ça le fait quand même. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre page Facebook. Alors, il y a sur la page Facebook, mais sinon, si vous allez sur indestar.fr, vous avez directement l'onglet contact. Message. Et rejoins-nous. Ouais. Voilà, donc là, on vous pose quelques petites questions, et puis rentrez vos coordonnées, et puis après, on vous rappelle derrière. Et, exactement. Voilà. Et si vous voulez nous appeler directement, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Voilà, comme ça tombe sur mon portable directement. Voilà. Comme ça, on sera ravis de vous accueillir, et ça va être fun. Hein, on va bien s'amuser. Je dirais que ça va être le feu. Ça va être le feu. Oui, the fire, fire en anglais. Ouais. Fire, fire. Ouais. Johnny Hallyday, fire. Alors non, je pensais plus à Kina Granis. Fire. Oui. C'est bon, on arrête avec le fire. Par contre, Kina Granis, c'était pour faire cramer les ordures tout à l'heure, le fire. Hein. Ouais. Ouais. Teddy. Oui, je l'ai. Bah non, c'est pas toi qui as la réelle, fais chier. Eh non. J'aurais voulu savoir si tu avais un petit gold number dans le coin. Je n'ai pas de gold number. J'ai même pas de. Par contre, on peut le faire. Gold number. C'est le gold number. Le numéro en or, c'est le gold number. Le numéro en or, c'est le gold number. Faut continuer. C'est le gold, gold number. Ouais. Et j'aurais pas dû les lancer. Mais sinon, il y a un petit boulangerie, pâtisserie. Non, moi, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait cette année et pourtant, c'est une tradition. Ah depuis bon 2 ans. Ça, c'est de la bonne tradition. C'est que normalement, le 21 juin. Ah, on chante. En même temps. C'est vrai que le 21 juin, c'est pour le coup, on était à la fête de la musique. C'est ça. Mais bien sûr, ils cherchent la musique de C'est l'été. C'est l'été de Rikun. Alors, je sais pas si vous connaissez cette chanson. Alors, vous êtes c'est obligé qui va vous rentrer dans la tête. Avant que tu la mettes, putain, attends, j'ai enlève le bed avant. Ouais. Pour enlever le bed, c'est t'as raison, t'as raison. Pour enlever la musique de fond. J'ai toujours raison. Alors, pas toujours, mais là, oui. Quand t'as tort. Exactement. Et là, on va pouvoir chanter sur cette fabuleuse musique. Tu la connais, Kevin, la musique de C'est l'été? Bien sûr. Alors, le refrain, tu vas pouvoir le chanter. Ça fait C'est l'été. Saucisse merguez taboulée. C'est l'été. J'ai plus le deuxième. Fais passer le rosé. Fais passer le rosé, voilà. Ouais. Tu vas voir le premier couplet. Tu vas suivre Jolan, Théo et Teddy. Voilà, vous êtes prêts pour chanter C'est l'été? Et c'est comme ça qu'on va se quitter. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous suivez les réseaux sociaux, Facebook. On va vous mettre dès l'instant qu'on aura une idée d'émission et un jour d'émission. Ça sera vraisemblablement vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bon week-end à tous. Très bonne des semaine bisous. Avec Indestar et plein de découvertes. Notamment Kina Granis qui arrive juste après avec The Fire. Et voici C'est l'été. Tu chantes avec nous, Jojo, hein? Ouais. Y'a le soleil qui chauffe le toit de ma Clio, coincé dans les bouches. Ah, il nous manque le texte. Ah oui, on va chanter le refrain. Poussière et la langue en feutrine. Dans moins d'une heure, j'espère que j'arriverai au camping. Emplacement 69 comme les autres années. Ouais, c'est nul, hein. Voisin, on a déjà débarqué. C'est génial. On aime les trucs nuls, hein. Tout le monde se marre. Attention. La fin du repas, moi, je sors pour ma guitare. C'est l'été. S'est noyé, on l'a cherché partout, mais on l'a jamais retrouvé. On l'a pas mis le feu à la soirée disco. Sur la piste de danse, on aurait dit John Travolta. On lui a appris les pas pour danser la crapola. Du coup, il a payé une tournée de tequila. C'est l'été, saucisse merguez à bouler. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chichi ou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été. Ah merde, raté. Ouais, olé, olé, ouais, c'est génial. Encore olé. Oui, encore. Ah non, la Clio. La plage, c'est fini, il faut retourner. Oh là là, c'est déjà la fin de l'été. On a pris des photos avant de s'embrasser. Dans le rétroviseur, j'ai vu mes amis s'éloigner. C'est pas grave car c'est l'été. Saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, ouais. Ça c'est normal de te faire du souci. Ouais. Les femmes sont splendides. Bah oui. La vie est belle. Ah, bah c'est normal. Elles sont splendides, c'est normal avant le jeu du yaourt de 0%. Saucisse merguez taboulée. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou béni sorbé. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Encore. C'est l'été, saucisse merguez taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou béni sorbé. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Encore. C'est l'été, saucisse merguez taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou béni sorbé. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, saucisse merguez taboulé. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.